is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. You are Arthur. Have you found the secret that I have lost? Yes. You and the land are one. Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici? Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en lin, ou quelque chose... Un chevalier, c'est en armure. Pour chevaucher, pour se battre, pour se présenter au roi de Bretagne autour de la table ronde. Il y a un minimum de prestige à observer. Là, du coup, pour le prestige... A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Camelot. Camelot. Camelot. It's only a model. Shh. I sat upon the shore fishing with the arid plain behind me. Shall I at least set my lands in order? Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode spécial Excalibur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Rex Quondam Rexque Futurus. Bonjour Laïs. Bonjour à tous. Bonjour public. Ouais. On a quelques braves héros qui ont bravé la pluie et le vent et les tornades et les typhons parisiens pour nous rejoindre aujourd'hui à l'école multimédia. Et surtout bonjour à nos invités. Alors pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs de Radio Kawa s'il vous plaît? Bonjour, je suis Justine Breton, je suis docteur en littérature médiévale et ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi je suis Ali, je co-anime l'Appel de Cthulhu, autre émission littéraire de Radio Kawa. Bonjour, moi c'est Bob, je fais comme lui. Voilà, bonjour à tous, merci d'être ici avec nous. Alors on est ensemble pour parler d'un sujet effectivement qui est un peu en dehors de notre chronologie habituelle, comme tous nos épisodes spéciaux. Et aujourd'hui c'est le film Excalibur de John Borman. Alors peut-être le plus grand film arthurien en fait finalement, en tout cas le plus englobant, le plus universellement accepté comme le film. Ça et peut-être, je sais pas, c'est toi la spécialiste de ça Justine en fait, peut-être ça et puis Merlin l'Enchanteur de Disney, c'est un peu les deux grands films arthuriens par excellence. Et rajoutons Sacré Graal. Sacré Graal aussi, oui effectivement, faut pas l'oublier. Un classique intemporel. Et on l'a entendu d'ailleurs dans cette petite introduction. Alors on est ensemble pour une heure et demie, on va parler du film, de son contexte de production, de comment il se rattache à la légende arthurienne. Et on va aussi s'amuser à commenter un film des années 80, donc ça a quelques attraits inhérents à l'époque. Oui, alors je voulais commencer par vous présenter un peu, je ne vais pas faire une rétrospective de la carrière de John Borman, parce qu'il est un peu passé d'un truc à l'autre, un peu extrême au cours de sa carrière, et que je ne la connais pas très bien. Mais une chose qui m'a profondément marqué, c'est que j'étais tombé sur une interview de lui il y a quelques années, et quelqu'un lui demandait basiquement, c'est quoi la qualité que vous verriez comme réalisateur que vous avez. Et il a dit, bah alors on n'en parle pas beaucoup à Hollywood, et puis forcément, c'est pas forcément le plus lustrant. Mais moi, je finis mes films dans les temps et dans les budgets. Et puis voilà. Et puis, il dit, bien sûr, comme les gens regardent pas les films mais comme des comptables, c'est pas forcément comme ça c'est pas forcément ça qui va faire que c'est un bon réalisateur. Mais il se voit un peu, des fois, il se présente un peu comme un tâcheron ou un artisan ou quelqu'un qui, voilà, on lui a demandé de faire l'Exorciste 2, il fait l'Exorciste 2. Voilà, il le fait. Et, disons, si. Peu importe, comme S'il y a un mot que je devais garder pour Excalibur, je pense que ce serait efficace, ce qui est un compliment, mais qui cache une critique aussi, c'est qu'on préférait qu'un film soit spirituel, beau, inspirant, plutôt qu'efficace, parce que qu'est-ce qui est sacrifié par ça? Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le film, et notamment dans le cast du film, qui peuvent s'expliquer comme ça, si vous le regardez comme quelqu'un qui va chercher l'efficacité, à commencer par le recyclage qui a été fait, parce qu'à la base, c'est un film qui lui tenait vraiment à cœur, il voulait faire un film sur la légende arthurienne, il n'arrivait pas à le faire produire, puis à un moment, il y a eu un projet de faire une adaptation du Seigneur des Anneaux, qui, quand on regarde ce film, on se dit bon, ça aurait probablement été catastrophique, oui. Mais c'est tombé à l'eau parce qu'ils n'ont pas eu les droits. Et il s'est dit, bah, je vais recycler les recherches de lieux, d'endroits de tournage, etc. Toutes les armures et tous les trucs qu'on a déjà commencé. On va les recycler. Puis on va les thèmes aussi, hein, ouais. Par certains aspects. Ouais. Certains thèmes, certaines scènes. Tout s'explique pour les armures, alors, du coup. Ouais. Oui, oui, non, il y a le côté héroïque fantasy un peu. On va faire un GN dans la forêt. Ces armures à moitié en carton pâte. Il y a un côté couverture de roman Lance-Dragon en 1982. C'est tout à fait le contexte. Hein, ouais, c'est aussi ça qui explique aussi la popularité de ce film. Quelque part, il est arrivé dans un moment culturel très fort où à la fois il y avait un marché pour les films d'heroic fantasy et assimilés, disons, en partie à cause de Star Wars, ouais. Les grands épiques comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a vieilli tout à fait différemment de Star Wars. On sent qu'il y a des... Parfois, on regarde Star Wars et on se dit, ouais, c'est un film des années 70. Mais c'est pas... Il y a des raisons pour lesquelles Star Wars est resté un film vraiment important. Et Excalibur, peut-être un petit peu moins. Je pense qu'il y avait... Pour beaucoup, c'est peut-être été l'occasion manquée d'avoir vraiment beaucoup de films d'heroic fantasy du genre. Parce qu'il n'y a pas finalement... Ça a été un succès, mais il n'y a pas eu un impact aussi fort. Ouais, je pense d'ailleurs, puisqu'on est une émission qui parle de littérature arthurienne, on peut parler un peu de comment il s'insère là-dedans. Techniquement, c'est censé être une adaptation de Le Morte d'Arthur de Sir Thomas Malory, qui est le grand classique anglais et maintenant mondial de la légende arthurienne, et qui a été abrégé, adapté par John Borman et Rospo Pallenberg, qui ont bossé dessus. Et pendant un moment, on était un peu, on se disait, ah, mais on peut pas le faire parce ce serait plus logique de faire Malory d'abord. Mais en fait, de par le travail d'adaptation, tous les composants de Malory qu'on n'a pas encore abordé dans notre émission, ils ont été un peu coupés au montage. Donc l'histoire de Balin et Balan, bon, on n'a pas le temps pour ça. Mm-hmm. Tristan et Iseu, on l'a coupé. Et ce qui se fait beaucoup, c'est que beaucoup de personnages vont combiner, en fait, beaucoup de personnages vont combiner plusieurs fonctions de personnages. Donc l'histoire de Lancelot et Guenièvre va devenir très Tristan et Iseu-esque. Arthur reprend le caractère du roi pêcheur. Quand Arthur casse son épée, normalement, c'est contre Pélinor. Bon, on va pas introduire tout un personnage, alors il va la faire contre Lancelot. Perceval, normalement, il suit des chevaliers random. Là, ça va être Lancelot, comme ça, il y a vraiment une compression. Même pire, dans Malory, Perceval est introduit comme le fils de Pélinor. Ouais. Il a son frère et tout le monde. Là, on revient presque aux sources de Perceval pour dire, ah, il arrive comme ça et en suivant Lancelot. Non, c'est ça. Si on doit introduire, on va reprendre la quête du Graal, comme Malory reprend la quête du Graal. Mais si on doit introduire Galad et puis Lancelot, il a une autre histoire. Non, on va mettre que Perceval, c'est le héros du Graal, et puis voilà, comme ça. Il y a déjà un sacré casting et une sacrée longueur de film. Hein. Il ne peut pas non plus, à l'époque, faire un film de 3 heures. Oui, non, d'ailleurs, je fais 2h20 dans la version intégrale. Alors, ouais, selon les versions, parce que moi j'ai eu une version de 2h03, toi 2h20, il y a une version de 2h13 qui existe aussi sur des sites internet. Alors, ça a loupé, mais Arthur disparaît à la fin. Hein. Ça j'ai vu. Par contre, apparemment, j'ai eu des scènes de gag avec Merlin qui ont sauté dans certains montages. Quand il attrape le poisson? Tout le monde l'a eu, mais apparemment il y en a une autre où il tombe pendant que Perceval cherche les cuisines. Perceval lui met un taquet, etc. Ouais, et Bob l'a pas eu dans son. Ou alors je ne l'ai pas vu parce que j'ai fermé les yeux un moment, mais j'ai pas fait exprès. C'est quand il dit à Perceval de suivre son nez pour trouver les cuisines. On verra peut-être sur cette scène de Perceval qui fait les chansons, parce qu'en soi c'est aussi intéressant parce que c'est du world building et on sent qu'il y avait de la matière qui a été coupée. Comme tu allais le mettre, je pense que tu veux le dire aussi, c'est quelque chose qui a été. On sent qu'on voit ce qui a été coupé un peu. On peut deviner un peu les traces d'un autre film dedans, en fait. Disons, j'ai vu le film 5 fois maintenant, 5 ou 6 fois, je pense. Et il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué qu'à mon 3e, 4e, 5e visionnage, c'est assez facile de passer à côté. Mais il faut le revoir plusieurs fois. Attends d'arriver au 15e, 20e visionnage. J'ai changé d'avis, c'est pas un bon film. Oui, c'est peut-être l'occasion peut-être de présenter un peu plus en détail pourquoi tu es là aussi, Justine. Parce que toi, tu es une grande spécialiste adaptations, en fait, de la matière de Bretagne contemporaine et moderne, disons. Voilà, bah, c'est mon domaine de recherche. Et dans mon travail de thèse, par exemple, j'ai cherché à comparer les textes du Moyen-Âge et les films ou les séries télévisées qu'on en a gardés aujourd'hui. Donc Excalibur étant l'un des films les plus marquants, peut-être le plus complet sur la légende arthurienne, effectivement, je l'ai bien bossé un petit peu. Hein. Je pense que je le connais par cœur en VO, en VF. Mais voilà, après, il a mal vieilli. Effectivement, mais il a des belles tentatives. Et il a aussi une influence peut-être assez forte sur un grand monument, une grande œuvre arthurienne française qui est peut-être celle auquel on pense tout de suite maintenant quand on est francophone, c'est Kaamelott. Oui, l'influence d'Excalibur sur Kaamelott d'Alexandre Astier est indéniable. Le début, quand on voit le contexte visuel déjà, c'est tout à fait ça. Les premiers épisodes, le court métrage d'Y est ciré, l'esthétique est vraiment très présente et ça s'est un peu distancé avec le temps, mais au début, les chevaliers en armure brillante, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est vraiment exactement cette idée. Et petit à petit, dans Kaamelott, Astier a voulu raconter sa propre histoire et donc s'est approprié aussi en rapprochant davantage les costumes, les décors, etc., de ce qu'il voulait faire et d'un Moyen-Âge qui était censé se situer au 5e siècle. Oui, alors que là, les armures rutilantes, on en est loin. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de chronologie un peu floue, hein, volontairement. Ça commence par nous dire on est dans les âges sombres. Donc on est techniquement, alors on entend les médiévistes crier vraiment, non c'était pas un temps sombre effectivement, mais je suis allée dire que c'est pour ça que les armures sont toutes en noir, voilà. Je suis le premier à stanner Avril Cameron et Peter Brown, hein, l'Antiquité tardive, c'est mon dada. Mais en l'occurrence, il nous dit vraiment un pays un peu indistinct, alors on comprend que c'est la Bretagne, mais c'est pas explicitement dit non plus. On est dans un contexte assez volontairement anachronique, parce que autant les armures rutilantes font effectivement très 15e siècle, mais en même temps elles font pas 15e siècle, parce qu'on a vraiment l'impression de voir des cosplayers des années 2000. Je sais pas ce que Lancelot il met sur son armure pour que ça brille comme ça. C'est le polish. Et il faut dire aussi que visuellement, par exemple, les décors font beaucoup plus anciens, voire primitifs. On a l'impression qu'ils sont dans des cavernes parfois au lieu d'être dans des châteaux. Je m'interroge quand même sur l'armure. Excuse-moi de te couper parce qu'il était à l'écran là, mais oui. Arthur, il a un espèce de machin qui arrête de son armure là, un truc rond avec un pic au milieu qui arrête pas de bouger tout le temps. Je sais pas ce que c'est. Ça a été coupé en fait. Quand ils se battent, donc il y a des morceaux qui partent un peu en morceaux. C'est peut-être un bout d'épaule ou peut-être une rondage pour protéger la jonction du bras et du. Enfin, ce qu'il en reste. Du coup. Mais alors, c'est vrai que. Vous êtes vraiment des spécialistes. Il y a notamment des trucs vers la fin du film qui a des esthétiques post-apocalyptiques, enfin, qui est très sombre avec de la fumée, etc. Et l'armure de Mordred, pour le coup, on dirait qu'elle vient de la cour de Louis XIV et que ça vient d'un bal costumé. Et pourtant, le contexte, on dirait quasiment qu'elle est le survivant. Enfin, c'est la couverture de la jaquette Le Roi Danse ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, exactement. Il a un masque en carton-pâte qui ressemble un peu à la suite de certaines productions du Fantôme de l'Opéra. Oui, voilà, exactement le même de cette période. Je pense qu'ils l'ont acheté en bloc. Le petit rire très flippant de Mordred derrière. Très dérangeant, ce personnage. Hante mes nuits. Une chose sur laquelle je reviens, c'est que Justine dit que Alexandre Astier a fait un peu son histoire pour essayer de raconter son histoire avec Kaamelott. Je pense que Borman fait un peu ça ici aussi avec le thème justement d'Excalibur, des thèmes très fraseriens où Jesse Weston, le roi est lié à la terre, la fertilité, la terre ghast, The Wasteland. Très New Age aussi, dans cette courant de pensée. C'est chouette. Donc il reprend vraiment ça et puis il se sert justement d'Excalibur comme une espèce de fil rouge qu'on va le voir qui unit tout le roman et une chose que je trouve que Borman fait bien, c'est qu'il comprend que ça suffit pas, c'est pas parce que c'est un motif arthurien que tu peux le mettre. Il y a une raison pour la table ronde. Il y a une scène qui explique pourquoi on a une table ronde. On la voit à l'écran là, d'ailleurs, c'est pour ceux qui sont La victoire d'Arthur, il réussit à unifier le pays, tout le monde est en rond et puis il dit rappelez-vous de ce moment, bah pour se rappeler ce moment, je vais faire une table ronde, on sera tous ensemble. Tandis que si vous regardez des adaptations autres, comme je sais pas, Excalibur, Legend of the Sword, vous avez à la fin Arthur qui fait je vais faire une table ronde parce que c'est la fin du film. Ouais. Voilà, il comprend que Uther plante l'épée dans le rocher, ça fait partie de l'arc émotionnel et narratif d'Uther. Comment est-ce qu'il aborde la royauté, comment Arthur va aborder la royauté. C'est pas juste il y a une épée dans le rocher parce que c'est un motif arthurien. Il récupère ça, mais il essaie de lui donner du sens dans le cadre de son film. Et c'est plus que ne font beaucoup d'adaptations. Donc, c'est sûr. Et d'ailleurs, là, dans toute cette scène où les chevaliers sont en rond parce qu'ils viennent de gagner la bataille et Merlin fait son petit message en disant souvenez-vous parce que c'est it's the doom of men that they forget, etc. Et il y a Arthur qui arrive en disant Merlin, ta sagesse a forgé cet anneau. On sent que là, clairement, le Seigneur des Anneaux était là. Bon, on va écrire. Mais d'ailleurs, Merlin le dit aussi. Merlin le dit à Hélène Mirren aussi. C'en est fini de notre âge, c'est l'âge des hommes maintenant. C'est vrai, il y a un côté. La réécriture a été un peu bâclée, je trouve. J'ai l'impression qu'ils allaient partir en bateau au pays des elfes. C'est littéralement ce qui se passe d'ailleurs. D'ailleurs, Tolkien part vers l'ouest. Tolerecet, c'est Valon. Et puis, d'ailleurs, il y a des côtés. Tu parlais de New Age, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits flashs comme ça d'esthétique très années 70 quand ils descendent dans la cave et qu'il y a tous ces cristaux où ils voient le passé et le futur. Là, on est en plein dans la cave d'un gourou dans les années 70. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des motifs qu'on a retrouvés jusqu'au dernier Star Wars, là, quand Rey descend dans la cave. Uh-huh. On retrouve ça en version beaucoup plus moderne et je trouve que ça ne marche plus du tout. Alors que dans ce film-là, ça a une esthétique qui est tellement bizarre, en fait, et qui a tellement mal vieilli que ça crée un espèce de gloobie-boulga. Je sais pas. Forteresse de solitude de Superman. Ouais, c'est ça, exactement. On parlait des différents cuts du film. Je dois mentionner que Borman disait que le film de base faisait à peu près 2h50, il allait plus vers les 3h, et qu'il l'a coupé pour arriver à 2h20, parce qu'il devait passer en dessous de 2h30, parce qu'on pouvait pas faire des mastodontes comme ça à l'époque. Et on lui a demandé plusieurs fois, est-ce que vous allez faire un cut une fois de tout? Et il a dit non, parce qu'un réalisateur, s'il doit choisir ce qu'il garde, doit choisir ce qu'il coupe. Et ce qu'il coupe, c'est aussi important que ce qu'il garde. Et puis je veux dire, j'ai fait ces décisions, il faut que je les garde. Donc, Je pense peut-être quelqu'un va déterrer ses tiroirs après sa mort, mais sinon on n'aura probablement jamais de version. Je pense qu'il y a des scènes qui ont été coupées, notamment sur Lancelot, parce que quand on voit Lancelot débarquer, il a un Graal sur son armure. C'est jamais expliqué. I'm sworn to the quest, ce qui laisse entendre que dans une version primitive, Lancelot était déjà en train de faire la quête du Graal avant. Et puis parce que là, sinon le Graal sort de nulle part. Arthur est frappé par la foudre et puis il fait il faut trouver le Graal. C'est la seule indication qu'il donne à ses chevaliers. Hein. Démerdez-vous. Hein, mais ça explique aussi pourquoi le thème de la du désarroi de Lancelot face à la mollesse de la cour, face au problème qui s'insère, sa distance avec la cour progressive, ce qui l'amène aussi à partir, et ce qui du coup toute l'intrigue de Lancelot semble un peu comprimée entre une intrigue du Terre Pendragon et de la naissance d'Arthur et de l'unification, qui est donc le narratif du début de Mallory, les chroniques Geoffrey de Monmouth, un narratif de quête du Graal très réécrit mais assez cohérent et qui s'en sert assez bien avec après du coup la restauration et la fin de la guerre contre Mordred, et qui est intimement lié à l'histoire qui est au milieu de Guenièvre et Lancelot, mais qui est un peu comprimé bizarrement en fait, cette histoire de Guenièvre et Lancelot. On voit pas beaucoup leur romance se développer. Ça va très vite. Ça tombe comme un cheveu sur la suite. Ça va très vite. Après, il disparaît du film, et quand il revient, c'est littéralement le père Fouras qui guide une armée de zombies. Enfin, c'est... Et on se dit, Ils sont Perceval qui a rien demandé à personne. Perceval qui arrive, qui se fait tabasser par des paysans. Je vous propose, avant qu'on passe à une discussion des acteurs, je fais un petit bref synopsis du film pour les gens qui connaîtraient pas du tout. Je pense qu'il y a globalement trois actes. Donc le premier, c'est que nous sommes un pays divisé, il n'y a pas droit, la terre est en furie, il fait nuit, les armures sont sales, tout le monde se tape dessus. Merlin confère l'épée des rois Excalibur qui vient du fond des âges, qui ont été forgés par des dieux ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur la jaquette du DVD, mais c'est pas dit dans le film. Il la confère à Uther Pendragon, qui est le plus fort. Il conclut une alliance avec le duc Gorlois de Cornouailles. Il lui dit on se rencontre à la rivière et je te donne toute la rivière, toute la terre de la rivière à la mer, déclenchant immédiatement le conflit israélo-palestinien. Donc l'alliance ne perdure pas parce que Uther convoite la femme de Gorlois et il la veut, donc il assiège son château. Grâce à la magie de Merlin, il peut coucher avec elle sous l'apparence de Gorlois. Après cet abus, Merlin décide, 9 mois après, il vient chercher le bébé. Non, mais c'est parce qu'il était fatigué, il a dormi. Il a dormi pendant 9 mois. Pendant 9 mois, ouais. C'est pratique. À cause de la puissance de sortilège. J'ai plus de mana. Et du coup, il prend le bébé Arthur pour aller le mettre à faire élever quelque part. Uther lui court après, tombe dans une embuscade et meurt. Mais il ne veut pas que Excalibur tombe dans d'autres mains. Il dit, je suis le seul à l'avoir. Il la plante dans un rocher et personne n'arrive à la retirer. Jusqu'à 15-20 ans plus tard, Arthur est devenu un jeune écuyer. Il sort Excalibur un peu par accident, comme vous pouvez imaginer. Les gens commencent à le reconnaître comme roi, notamment Léo de Grance de Caméliarde, donc nous Léo de Grance Carmélide. Mais il y a des barons rebelles qui se jettent contre lui. Après avoir maté une courte rébellion, il unifie tout le pays. Il rencontre notamment un chevalier, un certain Lancelot du Lac, qui vient apparemment de France. Il utilise le pouvoir d'Excalibur pour le battre, ce qu'il aurait peut-être pas dû faire. Et il le regrette, il casse Excalibur, on la lui redonne. La dame du lac lui redonne l'épée. Ensuite, il va se marier avec Guenièvre, la fille de Léodagan. Malheureusement, Lancelot, en allant la chercher pour l'escorter jusqu'au mariage, en tombe amoureux. Et leur histoire d'amour va commencer à semer la discorde, puisque Lancelot ne vient jamais à la table ronde. Et étant donné que Lancelot ne vient pas, les suspicions commencent à se poser. Pourquoi est-ce qu'il vient pas? C'est le meilleur d'entre nous, etc. Un tonton bourré qui fait un scandale autour de la table. Ouais, Lancelot, il y a Liam Neeson qui fait un scandale en tant que Gauvin. Morgane qui est très subtil, hein, qui met des coups de coude dans Gauvin. Mais donc Lancelot doit la défendre pendant un duel, ce qui en fait, ils n'avaient pas consommé leur adultère jusque-là. Il était plutôt en mode je vous aime, mais je garderai ça chastement dans mon cœur. Mais comme Arthur ne veut pas défendre Guenièvre, il veut rester impartial, il ne veut pas s'engager là-dedans. C'est-à-dire qu'il fait un peu l'extrême inverse de ce que Uther avait fait, qui était l'usurpation totale du pouvoir. Arthur, lui, par contre, il dit non, je peux pas faire ça, je dois être neutre, ça peut pas me concerner. Personne ne veut défendre Guenièvre. Lancelot réussit quand même à la sauver, mais ils consomment leur adultère. Arthur les trouve dans la forêt. Tintintin. Et ils plantent Excalibur entre eux, ce qui fait très, très Tristan-Iseux. Malheureusement, ça crée une espèce de cataclysme cosmique où la terre tremble parce que l'épée est liée au dragon à la terre. Morgane profite de ce moment-là où Merlin est affaibli pour lui voler sa magie, son charme le plus puissant. Elle prend l'apparence de Guenièvre pour coucher avec Arthur et engendrer Mordred, leur fils incestueux. Et à partir de là, c'est le troisième acte où, basiquement, tout est nul, la terre tout ne produit rien. Tout le monde pleure. Lancelot est devenu un prêcheur apocalyptique, il y a des cadavres partout. Il y a des paysans qui font des chevaliers pendus à des arbres. Ouais, enfin, le soleil est rouge. Il y a des paysans qui s'amusent à taper l'eau avec des bâtons, tu sais. ils essayent de barater l'eau. Parce que peut-être que le beurre viendra. Mais... du coup, Arthur dit, Arthur est frappé par la foudre, ce qui est généralement un mauvais signe, surtout quand ça se passe pendant une messe. Et du coup, il dit il faut trouver le Graal et Perceval va partir trouver le Graal pour réussir à restaurer Arthur à la santé. Et puis, dans un dernier baroud d'honneur contre les forces des ténèbres de Mordred, tout le monde va un peu s'entre-détruire et ça va être la fin du royaume arthurien où Perceval va pouvoir relancer l'épée dans une étendue d'eau et la Dame du Lac va reprendre l'épée Excalibur. Et alors que Perceval veut revenir vers Arthur, il voit qu'il est emporté par un bateau pour on ne sait où. Oh, c'est beau. Mm-hmm. Avant ça, avant de le jeter Excalibur à l'eau, Arthur lui avait dit que Perceval voulait pas le faire parce qu'il disait non, Excalibur ne peut pas être perdu. Puis Arthur lui dit non, un jour un roi viendra et Excalibur ressurgira à nouveau. C'est un jour un roi. Et c'est donc globalement l'histoire du film Excalibur. On va revenir un peu sur les détails, mais je voulais quand même parler un peu du casting parce que le voir aujourd'hui c'est quand même très bizarre. Oui. Parce qu'il y a une espèce de biais où on voit et on se dit pourquoi ils ont donné ce rôle pourri à Patrick Stewart. La vraie réponse c'est parce qu'en 1981-1981 pour nos auditeurs français, ils étaient pas vraiment connus. Non, et quand je parlais de l'efficacité de Borman, il y a beaucoup de décisions qui se voient là-dedans. Typiquement Ygraine est jouée par sa fille, Catherine Borman. Ça, c'est super bizarre. Ouais, en fait, vraiment. Alors, il y a une réunion de famille, ça devait être curieux. Il y a une scène sensuelle où Ygraine danse et puis c'est censé être super sexy. Super sensuel. Ouais. Ça, tu sens que c'est malsaine cette scène. C'est malsain, mais moi j'ai toujours trouvé ça pas très sexy. Je me dis, ah, c'est peut-être parce qu'ils voulaient pas aller complètement. Après, il y a une scène où elle est toute nue puis elle couche avec un mec en armure et tout. Ouais, elle est piquée un peu. C'est vrai que c'est une décision bizarre. J'ai entendu une femme sexy, sensuelle, je vais prendre ma fille, c'est un peu. Ma fille violée par une armure géante. C'est plus ça. My daughter Ivanka. Il y a aussi un autre de ses enfants, Charlie Borman, qui joue le jeune Mordred. Oui, c'est très malsain. On fait un peu des économies, c'est vraiment genre, on a besoin d'un jeune enfant, mais un enfant, j'en ai à la maison, il sert à rien, vas-y, prends-le. Non, mais regarde, c'est ce que si l'annister est affreux, là. Ouais, non, mais en fait, c'est un film familial, on n'a pas compris. Alors, on va trouver des enfants acteurs, toi. Il n'y en a pas qui courent les rues. Il n'est pas trop mauvais, en plus. Non, ça va. Un enfant malheureux dans la rue, ça marche. Mais alors, globalement, d'ailleurs, le casting, ils jouent tous plutôt bien. C'est tous un peu des anglo-irlandais, donc soit d'Angleterre, soit d'Irlande, un peu. Beaucoup d'acteurs de théâtre, quand même. D'acteurs de théâtre, ils ont tous beaucoup fait du Shakespeare avant, beaucoup. Hélène Mirren était très connue pour son Shakespeare avant, en fait. Surtout pour ça. Pareil pour Nicole Williamson, d'ailleurs. Apparemment, ils ont fait une production de Macbeth qui s'est pas très bien passée. Puis Hélène Mirren et Nicole Williamson étaient un peu en froid pendant le film. Ils sont un peu réconciliés au cours du film, apparemment. Borman, apparemment, il aime bien ça. Il était là, il s'énerve. Bah, c'est cool, ils vont être ennemis dans le film, alors ils vont pouvoir exploiter ça. Il recycle. Illusion de la réalité. Ça a l'air d'être un mec sympa, le John Borman. Hein. Mais il est. Il va droit au but. Mais un truc qui est intéressant, c'est si vous regardez la filmographie de ces gens, et je peux me tromper, mais en fait, il y en a beaucoup, c'est littéralement leur quatrième film. Donc Patrick Stewart, c'était son quatrième film. Il dit que c'est le premier long métrage hollywoodien important qu'il a fait. Liam Neeson qui joue Gauvin, c'était son quatrième film. Niall O'Brien qui joue Kay, c'était son quatrième film. Donc je sens qu'il s'est passé un truc où John Borman a dit trouve-moi les types qui ont fait trois films, comme ça je sais qu'ils sont pas complètement incompétents, mais je peux les payer le moins pas trop possible. Cher. Mais le souci avec des acteurs comme Sir Patrick Stewart, c'est que vu qu'il ne vieillit pas, quand tu regardes le film aujourd'hui, tu sais pas trop. Il est déjà chauve et puis il a le même visage. C'est ça, tu dis, mais ça fait combien de temps qu'il est 37 ans incroyable. Mais il faut dire qu'il y a aussi, en fait, quand on fait un peu le casting, ça ressemble un peu à une rubrique nécrologique ces temps-ci, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont morts ces dernières années, à commencer par Clive Swift, je crois. Swift, qui joue Hector, Qui joue Hector, le père de petit Arthur, qui est mort il y a 10 jours, en fait, le 1er février. C'est un de ces acteurs britanniques qui était dans tout. Il a joué dans l'ancien Doctor Who, le nouveau Doctor Who. Oui, c'est très. C'est très la rubrique chronologique. En même temps, je sais pas entre ces acteurs-là qui ont cette rubrique nécrologique récente et d'autres acteurs du film qui ont eu une autre actualité un peu, disons pas très sympathique, je sais pas lequel est le mieux. Oui, Liam Neeson qui a confessé qu'il avait prémédité des crimes racistes et puis. C'est vrai. C'est plus compliqué que ça, mais oui. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts. Donc Nigel Terry qui jouait le roi Arthur est mort en 2015. Nicole Williamson, qui était la grande star du film à l'époque, c'était un peu probablement des seuls qui seraient connus pour les audiences américaines notamment. Aujourd'hui, on le connaît moins, en fait, c'est un peu ironique. Il est décédé en 2011. Il y a des gens qui sont décédés beaucoup plus jeunes, notamment Nicolas Clay qui joue Lancelot. Il a vraiment une gueule de prince charmant. Pardon, on rigole pas sur ça, mais c'est parce que quand même, on voit la scène de Perceval qui découvre le château. Il y a deux scènes de comédie dans le film, elles sont vraiment grotesques. Donc ils ont Nicolas Clay qui joue Lancelot. Il a vraiment une gueule de prince charmant. Puis d'ailleurs, il a joué le prince charmant dans une adaptation de La Belle au bois dormant musicale en 87. Il est décédé en 2000 d'un cancer du foie. Il avait la quarantaine. Pareil pour celui qui joue Mordred. Lui aussi est décédé en 2003, Robert Addy. Il a aussi interprété Sir Gilbert dans la mini-série Merlin de 1998. Donc, que vous avez peut-être, je crois que c'était une petite série un peu bizarre. Ouais, j'ai pas vu ça. Ouais. Et donc, ça fait deux personnes qui sont mortes quand même à l'âge de 40 ans d'un cancer. Donc, je me suis dit, est-ce que Borman a voulu faire des économies? Il a trouvé un stock d'armure en amiante. Peut-être. Il aurait pas pourri la vie. Tout, le non, mais. Non, ça c'est. Mais du coup, dans les stars, 80, dans les stars du film, on a aussi justement, comme on l'a dit, Patrick Stewart, Liam Neeson, qui sera plus connu, Gabriel Byrne, qui joue Uther Pendragon, qui a aussi joué. C'est un de ces acteurs hollywoodiens qui est dans beaucoup, beaucoup de films, mais qui est jamais, qui est pas vraiment premier un. Premier rôle ou. Et c'est pas une grande, grande star comme peut l'être Liam Neeson, justement, Alan Mirren. Mais il a quand même des grands, genre, il joue D'Artagnan dans Le Moment de Fer, il joue Satan dans End of Days, il a eu un prix du plus mauvais acteur pour ça, d'ailleurs, en termes de cabotinage. Là aussi, il cabotine beaucoup, mais je trouve que ça marche assez bien. Dans une très bonne série In Treatment, d'ailleurs. Et puis aussi, bien sûr, Helen Mirren, qui joue la firme Morgan, qui, bon, là, elle a, dans une interview qui parlait du film, justement, elle disait que ce film, ça avait vraiment lancé tellement de carrières hollywoodiennes, comme on l'a dit. J'ai oublié de le dire, Niall O'Brien, qui joue Kay, est aussi mort en 2009. Corinne Rengreve, qui joue le duc de Cornouaille-Gorlay, mort en 2010. Donc, il en reste encore quelques-uns, bah, justement, les plus connus, mais sinon... maintenant qu'on est 30 et quelques années après, on est vite submergé par cette rubrique nécrologique. Oui, c'est pareil, mais c'est pareil avec Star Wars, c'est pareil avec. Je n'avais pas identifié l'acteur qui joue Lot. Je l'avais pas identifié à Mance Rider dans Game of Thrones ou à César. Oui, c'est dans son dernier grand rôle. Aussi, là, il apparaît pas beaucoup dans le film. Il est pas très visible. Il est souvent dans la brume. Ouais, c'est ça. Il y a un côté un peu misty. Voilà, donc c'est vrai que c'est un cast assez. Particulier parce que les acteurs, disons, les plus connus qui ont plus survécu dans nos esprits, à part Helen Mirren, ne sont pas ceux qui ont les rôles les plus prominents aussi. Non, Nigel Terry, qui joue le roi Arthur, bon, faut le dire, surtout dans toute la première partie du film, il joue vraiment à contre-courant par rapport à tous les autres acteurs. Quand l'acteur qui joue Hector, justement, essaie d'être un peu sérieux, dramatique, presque shakespearien, lui, il est là. Who is my father? You mean you're not my father? You mean Kay is not my brother? Hey, c'est un détective, quand tu sens qu'il fait le rapprochement. Quoi, vous n'êtes pas mon père, donc lui, c'est pas mon frère. Ouais, il va progresser. Il ne demande jamais qui est sa mère, d'ailleurs, par contre. Hein, c'est assez mal poli parce que, justement, Clive Swift, tu fais le speech je t'ai élevé parce que Merlin t'a amené à moi, au début parce que j'avais peur de Merlin. Mais ensuite, parce que je t'aimais. Puis il répond, qui est mon vrai père? C'est bon, on passe à autre chose, là, maintenant. Ça sent un peu gentil. Ouais, et puis il a un côté vraiment jeune premier des années 70, qui est déjà un peu, déjà presque un peu tard, en fait, là, en 1981. J'avais vraiment l'impression qu'il allait se dire, je vais aller combattre l'Empire dans l'Académie spatiale et tout ça. Il court partout, il a les yeux écarquillés tout le temps. Tu as dit avant qu'on soit à l'antenne qu'il y avait beaucoup un look de joueur de tennis des années 80. C'est ça. La personnalité de Nigel Terry quand il devient le roi Arthur adulte, en fait, pour moi, c'est plus Roger Federer en termes de fair play. Tu sais, il est un peu là. Oui, ça très bien. La quête du Graal avec Lancelot, c'est très chouette. C'est de plaisir. Le jeu est très très bien. Et à la fin, là, quand il est dans son siège, qu'il a été frappé par la foudre et tout, on dirait un petit peu Abdelaziz Bouteflika. Il est porté par d'autres gens. Il veut. Polyvalent, cet acteur. Ce que je trouve, en fait, c'est un choix un peu bizarre de le faire jouer comme ça, mais une chose que ça permet, c'est que Arthur joue bien le jeune Arthur et le vieux Arthur. Ouais. Et le Arthur, il arrive, Nigel Terry arrive à jouer, même si le début est un peu caricatural. Ouais. Puis ça crée un contraste que je trouve très intéressant. La scène où ils enlèvent l'épée, je l'adore parce qu'il y a Patrick Stewart qui est très shakespearien. Ah oui. Il y a celui qui joue rien qui hurle, à la mort, incompréhensible. Certaines de ces phrases, j'ai dû regarder les transcripts pour les trouver. Et puis de l'autre côté, il y a Arthur qui joue comme ça. Mais du coup, il y a un contraste entre tous les jeux d'acteurs qui ont rien à faire les uns avec les autres, qui rend cette scène absolument fascinante. Je trouvais très drôle, en fait. Ouais. Très bizarre, oui. Ouais, mais je trouve que ça, il y a un côté qui arrive à prendre quand même dans le film. Bon, il y a des moments où c'est un peu difficile à revoir aujourd'hui. Mais déjà, le fait que chaque scène a été composée presque comme un tableau. Alors certes, peut-être un tableau un peu pompier, voilà, néo-académique et tout, avec une dorure néo-byzantine et des rochers préhistoriques. C'est un peu photographié curieux. Par David Hamilton. Et voilà, c'est ça. Donc c'est un côté un peu curieux, mais il y a vraiment un sens de la compo et effectivement de l'efficacité dans ce qu'on voit, qui fait qu'on est quand même entraîné par l'aventure malgré ces petits trucs qui sonnent faux. Et je trouve effectivement le terme d'efficacité que tu donnais, je savais pas du tout que Borman travaillait comme ça. Ouais, ça se voit à l'écran, je trouve. Ouais, mais c'est pas pour rien que justement on dit. C'est un des meilleurs films arthuriens, parce qu'il y en a eu deux, trois, hein, des films sur le roi Arthur. C'est difficile à faire. Hein. Bah voilà, c'est quand même impressionnant qu'il ait survécu, j'ai envie de dire, au passage du temps, et qu'aujourd'hui, on estime encore que, bon, bah voilà, tu veux découvrir la légende arthurienne, bon, ça va piquer un peu les yeux, mais va voir le film de Borman. Oui, parce qu'il il arrive à capturer une essence, en fait. On va, je pense, le voir quand on va résumer le film un peu plus dans les détails. Mais il capture très bien les thèmes, il arrive à se dire. Ouais. À faire des choix assez précis et, comme on l'a dit, à rationaliser le film. Et alors, c'est pas le plus excitant, effectivement, d'avoir un film efficace sur la légende arthurienne, mais c'est le plus important quand on fait une adaptation arthurienne, c'est justement de pouvoir combiner des tas de sources différentes dans un narratif cohérent. de A à Z. Et il le fait très bien, en fait. Et avant d'enchaîner sur la suite, je propose qu'on dise encore un mot sur ce qu'on n'a pas vraiment parlé encore, c'est la musique. J'ai entendu dire, je ne sais pas si Justine Breton pourra confirmer, on m'a dit que Excalibur avait pratiquement créé, en tout cas beaucoup contribué à l'idée justement du Carmina Burana à utiliser dans des scènes d'action et des chevauchées épiques, et que ça avait vraiment... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais la musique, c'est principalement Wagner, et Carmina Burana, c'est ça qu'on va retenir du film, avec quelques pièces originales qui ont été ajoutées, mais surtout ces deux-là. Oui, le potentiel d'association musicale déplaisante du film est assez fort, entre Karl Orff du Carmina Burana, qui est l'homme compositeur de l'ère nazie. C'est vrai que... Alors Karl Orff n'était pas nazi lui-même et il a écrit Carmina Burana un peu en dehors de ça, mais c'était la pièce de musique la plus populaire à l'époque nazie. Et puis c'est Wagner, le antisémite absolument forcené et horrible personne en général, et bien évidemment adulé des nazis. Ça a un côté un peu ouais. Alors je vais pas jeter la pierre, mais la parce que est sublime. On a passé une saison entière, la saison dernière, à mettre que de la musique de Wagner dans nos trucs juste parce qu'on parlait de Parsifal à la fin. Donc je vais pas jeter la pierre, mais c'est vrai que thématiquement c'est pas mais aussi ça s'y prête très bien, quoi. Puis, c'est ça, ouais, et... c'est que la chevauchée, la reverdie, quand on a Arthur qui reprend un petit peu du poil de la bête, hein, après avoir réussi à trouver le Graal grâce à Perceval, et que tout repart et que tout refleurit, et qu'on a cette musique qui monte petit à petit, c'est vraiment, ça, voilà, c'est sublime. Moi, ça me fait des frissons à chaque fois. J'ai beau l'avoir vu un milliard de fois, quoi. Et puis, c'est un peu A plus B, mais effectivement, la musique, c'est toujours assez bien choisi, quoi. Enfin, ça paraît évident de mettre le prélude de Parsifal au moment où Perceval trouve le Graal, mais la musique va très bien. Les funérailles de Siegfried sur la fin et la mort d'Arthur, évidemment, c'est pompier, mais ça marche. Et le Carmina Burana, justement, le cycle, le Carmina Burana de Karl Orff est ouvert et fermé par ce poème, donc sur la fortune, la fortune. Imperatrix Mundi, donc la fortune qui dirige le monde, et c'est la roue de la fortune. C'est la même pièce qui ouvre et qui ferme le film. Et on a la chevauchée d'Arthur au début avec contre les barons rebelles sur Carmina Burana, et la chevalier contre Mordred à la fin, la chevauchée contre Mordred qui est sur la même musique. Mais le film est beaucoup construit, hein, sur cette structure cyclique, avec les banquets aussi. Qui sont répétés, hein, le banquet au début avec Uther, Gorlois, etc. Et ensuite le banquet où Arthur tombe amoureux de Guenièvre. On a toute cette structure qui est répétée, et c'est pareil, je pense que ça joue sur ce qu'on disait, l'efficacité du film. Mais il y a des moments clés comme ça qui permettent d'aiguiller un peu toute la structure et d'avoir un ensemble qui se tient, quoi, malgré le fait que ça soit un film de 2h20 sur toute la vie d'un personnage aussi légendaire. Alors, on va en parler plus en détail après une petite pause musicale. Mais avant de lancer la pause musicale, qui a été un choix de Zali, il faut qu'on parle un peu du sujet de la pause musicale, parce que c'est aussi très années 80. Ah oui, alors tu peux nous dire deux mots sur la série TV Monsieur Merlin. Alors, Monsieur Merlin, c'est une série de 1982 de la CBS qui a été annulée au bout de 22 épisodes. C'est étonnant que ça n'ait pas été annulé avant, vu la nature de la série, parce que c'est extrêmement particulier. C'est ça raconte l'histoire d'un jeune homme typique des années 80, je crois qu'il s'appelle Zach ou quelque chose. Et en fait, son voisin, c'est un vieux garagiste un peu bizarre, et en fait il s'avère que ce vieux garagiste, c'est Merlin, qui a immigré aux États-Unis et qui fait des tours de magie dans son garage. Il veut plus trop au début entendre parler, puis il va faire de Zach son apprenti, et c'est une série qui est d'un kitsch mais invraisemblable. C'est son apprenti parce qu'il a retiré un tuyau d'un exactement d'un voilà en ciment, je crois. Ouais, il a retiré un tuyau d'un ciment. On a une intervention d'hier. Oui. Excusez-moi la régie. C'est Retour vers le futur, ton pitch. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un petit peu, ouais, bah c'est un peu exactement avec la même période, et un peu la même esthétique. Voilà. Et donc bah voilà, ça va devenir son apprenti, et chaque épisode est construit un peu sur le même modèle, c'est-à-dire que Zach fait une ânerie, il utilise mal la magie, et Merlin doit réparer avec d'autres tours de magie après que le héros ait pris une bonne leçon. Et il y a notamment un combat contre un dragon dont Justine peut peut-être dire un mot, qui est incroyable. Moi, je pense que c'est la plus belle séquence de l'histoire de la télévision, c'est pas possible autrement. C'est les effets spéciaux, hein, tu l'as dit, ça date de 81-82, c'est les effets spéciaux de l'époque pour la télé. Alors, on n'est pas avec un budget à la John Boorman. Ce qui fait qu'on a un personnage qui en fait rêve d'être un chevalier, hein, c'est un vieil homme qui voilà, et Merlin et Zach vont réussir à accomplir son rêve et lui faire combattre un dragon, donc en étant un chevalier, donc il le transpose un petit peu au Moyen-Âge contre un dragon, sauf que bah, comment on fait un dragon dans les années 80 quand on n'en a pas sous le coude, qu'on n'est pas HBO, hein. On va prendre un iguane qu'on met de façon géante, hein. Imaginez un iguane qui fait 2 mètres de haut, mais un iguane incrusté dans l'image dans les années 80. Donc on voit encore le vert, le jaune, enfin c'est absolument fabuleux. Oui, en plus l'ivoine doit être vert, donc le fond vert ou le fond bleu. Allez voir cette scène, je crois qu'elle est sur YouTube. Oui, toute la série doit être sur YouTube d'ailleurs. C'est juste fabuleux. Quoi. Et alors la série, étant une série des années 80, qui a été doublée en français, oui. a évidemment connu un générique français des années 80, parce que le générique original c'est un peu de la musique baroque, pseudo-baroque, pseudo-baroque tardif, clavecin, les classiques, on dirait du CPE bar, c'est mais en moins bien. Alors que là, c'est le mari de Sheila, donc je ne me souviens plus du nom. Voilà. Non, l'autre. Zut, je suis pas assez bien réveillé. Lionel Leroy. Lionel Leroy, exactement. Voilà, Lionel Leroy qui a chanté dans Darmotus et plein d'autres trucs aussi. Voilà, qui a fait le générique de Monsieur Merlin qu'on écoute tout de suite. Hey Monsieur Merlin, cher Monsieur Merlin, toi qui enchantes la vie. Monsieur Merlin, cher Monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui ta légende n'a pas vieilli, tes photos par jour ni. Hey Monsieur Merlin, sorcier et magicien, on te connaît bien. Hey Monsieur Merlin, cher Monsieur Merlin, toi qui enchantes la vie. Hey Monsieur Merlin, cher Monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui tu amuses les petits, mais tous les grands aussi. Hey Monsieur Merlin, sorcier et magicien, on te connaît bien. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Bonjour, on est de nouveau en direct depuis l'école multimédia à Paris avec Rex Kondam, Rex Kouefoutos, le public et nos invités. Salut, donc Justine, Zali et Bob, et on va aborder avec toi et moi Laïs, on va aborder finalement le cœur de l'épisode, vu qu'on va faire notre habituel résumé slash analyse du film petit à petit, et on va commencer vraiment avec ce carton d'ouverture qui nous dit qu'on est dans un âge sombre et dans une période indéterminée où il y a la guerre et où c'est sombre. Et voilà, je crois que tu avais une précision à faire. Le pays est divisé. Oui, je voulais commencer par dire qu'on est probablement le seul podcast arthurien francophone, je crois, mais il y a d'autres podcasts arthuriens, en tout cas en anglais, qui s'appelle Arthur and Mitya. Ils ont fait un double épisode sur Excalibur et en fait, j'ai regardé le film, j'ai pris des notes et puis après, je me suis dit, je vais peut-être écouter leur épisode. Et en fait, la moitié des notes que j'avais, ils les avaient aussi, donc je sais pas s'ils m'ont influencé inconsciemment quand je les avais écoutés jadis, mais en tout cas, je peux que recommander regarder leurs épisodes si ça vous intéresse aussi. Ils ont 2-3 commentaires intéressants. Ouais, ils sont bien faits. À faire dessus. Donc oui, le début du film, on va commencer. Je pense un choix qui est assez intéressant dans le film, parce qu'on en a parlé avant, c'est les armures. Et donc on voit le début, toutes les armures sont sales et noires de fer, et puis de suie, etc. Après l'arrivée de Lancelot, bah, toutes les armures sont brillantes et chromées à un point qui devient peut-être un peu... On dirait un salon de l'auto un peu. Puis finalement, Perceval, lors de sa quête du Graal, il a son armure qui rouille et qui devient un peu jaunâtre, qui ressemble un peu d'ailleurs à l'armure dorée de Mordred, mais on voit que c'est la brillance de Mordred en doré et pas comme la brillance argentée des chevaliers qui est bien. Un problème peut-être, c'est que du coup, comme tout le monde a des armures super brillantes, ça devient extrêmement difficile de différencier les chevaliers dans certaines scènes. Alors par exemple, le duel entre Lancelot et Gauvin, moi je trouve... C'est très difficile de les différencier. Ça augmente la tension parce que vous comprenez rien à ce qui se passe là. Oh, c'est l'épaule de qui? C'est le bras de qui? Parce qu'ils ont la même armure en plus. Mais moi, même quand ils sont en train de danser là avec Ygraine au tout début, je calais pas qui était Uther. Je comprenais rien. Je suis un qui gueule, il y a un autre vaguement machin. Vaguement à Simon Astier. Alors très vaguement. Alors, mais... ça m'a frappé. De très très loin. C'est vrai que ça fera plaisir. Non, mais peut-être un petit détail. On commence avec justement la guerre entre Uther et Gorlay, enfin qui n'est jamais appelé Gorlay, qui est appelé juste duc de Cornouailles pendant le film, ce qui n'est pas très historique, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, hein, évidemment. Ils se battent et justement, c'est Merlin qui va obtenir de la Dame du Lac l'épée des rois, Excalibur, qui va permettre de provoquer une alliance temporaire, enfin, en tout cas, un traité qui permet de viser une alliance entre un partage des terres entre Gorlay et Uther si Gorlay accepte la souveraineté d'Uther. Et en venant justement à sceller l'alliance chez Gorlay, eh bien, Arthur, le petit malin, fait preuve de Hornion Main révèle son attraction pour la belle Irène, la femme de Gorlay. Ouais. Il y a beaucoup de scènes où il y a des gens qui crient de façon un peu impromptue et je trouve que la direction est un peu bizarre. Genre, il y a Uther qui fait What up, t'as Gorlay qui fait et puis il y a Gorlay qui tombe par terre en disant Je me suis dit, est-ce qu'ils n'avaient pas d'autres prises? Est-ce qu'ils se sont rendus compte au montage? Oups, ça va devoir finir dans le film. Toute cette scène où t'as en plus la tension masculine, guerrière. Puisque tu sens qu'il y a un conflit politique qui essaye de se résoudre tant bien que mal, plus la tension sexuelle qui grandit au fur et à mesure que Ygraine danse et qui effectivement s'étale par terre, on ne sait pas trop pourquoi à la fin. Ah oui. T'as cette tension qui monte. C'était la fin de la danse. Ça doit être ça. La fin du numéro. Voilà. C'est sexy, une femme qui tombe par terre comme ça. Ah, c'est la seule femme apparemment. Puis, la façon dont son mari l'envoie. Non mais vas-y, danse pour nous, ça va nous réjouir, c'est bien. Bonne ambiance. Le film reste inhéramment misogyne. Hein. On va pas représenter toutes les femmes. C'est extrêmement choquant. Ce film, là, oui. Non, ou alors un utérus sur pattes, ou tais-toi, couche-toi là, et c'est un peu désespérant. Ou effectivement dangereuse, et Guenièvre, Morgane. Mais c'est bien connu que les femmes sont dangereuses. Les hommes doivent craindre. Et en l'occurrence, ça va mener Uther un peu à sa perte. Il va d'abord demander à Merlin de lui aider à obtenir... mais elle va lui promettre ce qu'il voudra, littéralement. Hein, donc toujours évidemment, c'est le produit de sa luxure. Mais ça, c'est ce qu'il dit après, il me semble. Oui. Non, il le dit pas. Il le dit dès le début et il lui fait rejurer deux fois. Ouais, c'est possible que Uther n'ait pas tellement la tête à ça en même temps parce que il dit tout ce que tu veux. Il dit tout ce que tu veux. Et alors du coup, Merlin va invoquer le dragon. Et c'est vraiment le thème, c'est que la magie de Merlin est dérivée du dragon. Et alors le dragon, Uther Pendragon, la Bretagne. Il semble un peu que le dragon c'est la terre et Uther. Et l'épée, la magie dans ce film est très très floue. C'est un petit peu New Age mystique, ouais. L'idée du Graal, l'idée de la Dame du Lac, le départ d'Arthur en Avalon à la fin, c'est très peu expliqué. Il y a très très peu l'aspect spirituel qui prendrait, des dizaines de folios dans un manuscrit arthurien du XIIIe siècle où on t'expliquerait exactement le détail de la raison théologique pourquoi le Graal fonctionne de la façon dont il le fait. Ça, c'est pas du tout dans ce film. Au même Excalibur, on dit juste que c'est l'épée des rois, qu'elle existe depuis le commencement des temps, depuis l'époque où l'homme, l'oiseau, la plante n'étaient qu'un, etc., et que la mort n'était qu'un rêve. Et sur la couverture, c'est, je crois que c'était forgé par un dieu, donné par un magicien, brandi par un roi, puis on est forgé par un dieu, puis on ne dit pas vraiment qui. Oui, on sait qu'elle n'est pas créée par les hommes parce qu'elle réussit à tuer Mordred à la fin, mais même Excalibur, on ne vous explique pas vraiment L'idée d'unité en fait, qui revient tout le temps et déclinée sous plein de façons. Il faut que l'épée, enfin, c'est ce que Merlin explique aussi au début, il faut que la terre. Et un seul roi, donc on est tout ça. C'est pour ça que Merlin s'évertue à faire la paix entre Gorlay et Uther. Il faut qu'on ait ensuite Excalibur et le Graal, le tout uni avec le roi, et que le roi soit uni à sa terre et uni à sa femme. Et enfin, voilà, on a l'impression que tout doit être un. Ouais. C'est très. Ah oui, c'est mystique que tout est. Ah oui, le monarchianisme, je connais. pardon. Je vais faire des blagues sur les. Oui, non, mais ces histoires d'unité, de trinité, ça me fait beaucoup penser à mes examens sur l'histoire du christianisme lycéen. Vous savez, l'homo, la même substance, la même essence. Mm. Quelle essence est le roi? Comment il est uni à la terre? C'est vraiment, on dirait des débats sur la trinité au concile de Nicée, c'est terrible. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est ça, c'est les petites. Mais c'est aussi une des forces du film, c'est de mettre un peu tous ces signifiants flottants là, puis on trouve une espèce de profondeur à certains moments qui n'est pas du tout claire. Il y a plein de répliques qui, à mon avis, sont assez. Il y a moyen de faire mieux. Mais oui, mais c'est ça, d'un côté, le problème, c'est que si tu essaies de faire mieux et que tu essaies d'expliquer ça, bah, tu finirais par prendre des tas d'heures de film à t'expliquer la théologie d'Excalibur et du Graal. Et ça ferait pas du bon cinéma, je pense. Ce serait difficile de rendre ça visuellement clair. Juste qu'un génie s'en occupe, c'est tout. mais même là, tu vois, c'est. Tu fais quoi le week-end prochain? Excellente. Grâce au Patreon de Radio Kawa. Je pense que s'il y avait eu une mini-série Excalibur, si ça avait été une mini-série sur la BBC de 3 à 4 épisodes, même 2 épisodes, tu aurais fait 2 épisodes d'une heure et demie un peu plus long, un peu plus dense, tu aurais eu de la place de rajouter ça. Mais là, c'est un film de 2h20, il n'y a même pas tant de la place que ça finalement. Ouais. Et du coup, ça passe un peu à la trappe. Mais du coup, ça nous permet d'avoir des raccourcis visuels qui marchent extrêmement bien. Et c'est là, par exemple, une des innovations du film. On ne l'a pas vu là, je crois, dans ces séries de scènes. Mais il y a une scène où, justement, la scène quand Uther va chevaucher pour rejoindre Irène à Tintagel, Merlin invoque le dragon et c'est la brume du dragon qui recouvre la mer, le bras de mer qui sépare l'armée d'Uther de Tintagel. Et il va chevaucher sur cette brume. Et au fur et à mesure qu'il chevauche, le charme de Merlin va le transformer. Et là, c'est le casque en fait qui change. On voit son casque se changer. Uther a une espèce de casque de sanglier un peu porcin comme ça, avec un museau, un sanglier ou un loup, je sais pas exactement ce qui est censé être. Puis il change dans la forme du duc. Mais puis Merlin lui dit justement, en français, ton désir sera ton soutien. Puis en anglais, your lust will be. Je sais plus ce qu'il dit. Ta luxure te soutiendra. Et puis il chevauche sur la brume. Et puis du coup, quand il arrive à Tintagel, justement, il tombe sur Guenièvre, Non, j'arrête pas de faire le lapsus. Hein. Et sur la petite Morgane, qui est la fille de Gorlay et d'Ygraine, qui comprend tout de suite que c'est pas son père. Oui. Et qui comprend en plus, parce qu'en ce moment, au même moment, son père est en train de mener une sortie sur les troupes d'Arthur, que son père est en train de mourir, en fait. Parce qu'il est tué au moment même où Arthur arrive. Mais c'est ça aussi, ils se ressemblent. Le casting est intéressant parce qu'ils ont trouvé des acteurs qui se ressemblent suffisamment pour justifier les liens de parenté. Typiquement, Hélène Mirren ressemble suffisamment, je trouve, à Catherine Bormann qui joue Irène. Oui, je suis d'accord. Nigel Terry et Gabriel Byrne se ressemblent assez pour qu'on voit le lien de parenté. Il y a des liens assez intéressants là-dedans, je trouve. Et alors, pour rebondir sur ce que tu disais sur le souffle du dragon, etc. Alors, j'ai fait des recherches quand même. Mais on a toute cette invocation de Merlin qui revient, qui est reprise ensuite par Morgane. Mais le fameux Anar Nathras ou Thras Besot, Wurial Diende, etc. Là, qui est devenu. Comme un snapette, là. Ouais, j'ai tellement entendu que c'est rentré, en fait. Mais pour qui est familier avec le vieil irlandais En fait, c'est le vieil irlandais version de cuisine, quoi. Hein, c'est un peu. Ouais. Voilà. Mais si on traduit comme on peut, ça donnerait quelque chose comme « souffle du dragon, charme de vie et de mort, ton présage de création ». By Omen of Making. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Ça vaut pour tout. Il l'appelle plusieurs fois le Charm of Making et c'est pas toujours très cohérent parce qu'il utilise ce sortilège pour qu'Uther prenne l'apparence de Gorlay. Puis là, j'ai dû dormir pendant 9 mois. Mais après, Morgane l'utilise pour à peu près faire n'importe quoi. Puis elle a jamais besoin de. Mais après, elle vieillit d'un coup quand la magie est partie. Quand la magie part, oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté aussi quand l'acte est consommé, Merlin dit The future has taken root in the present. Et c'est le genre de phrase qui sonne très profond. Et ça revient souvent avec les phrases de Merlin, ça sonne très profond. Mais ça veut rien dire. Bah oui, enfin effectivement, le présent donne toujours naissance au futur. C'est pas une conversation historique. Mais c'est beau parce qu'il l'a dit en plissant les yeux, tu vois. Toute la mystique. Ils se tournent vers la caméra, puis. Ouais. Et du coup, après, on a ces 9 mois qui passent. Finalement, Ygraine qui voit Uther arriver, et puis se dit mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Elle apprend que son mari est mort alors qu'elle pensait l'avoir dans son lit. Puis Uther accepte de la protéger et il l'épouse. Mais elle n'est pas encore tout à fait sûre que ce soit lui ou si c'était bien Gorlay qui avait consommé son union avec elle. Et quand elle réalise que c'était lui, quand Merlin vient en fait réclamer Arthur pour choisir comment l'élever, elle se rend compte qu'en fait c'était Uther qui l'a violée en fait, en violée d'ailleurs en armure alors qu'elle était nue. Donc pas très confortable. Oui, c'est une scène qui a marqué tout le monde, je pense. C'est qui fait la scène. Ça alterne entre. ça alterne entre l'acteur qui entre Gabriel Byrne et puis l'acteur qui joue Gorley, puis on alterne entre les deux en fait pendant la scène. Et puis aussi ce que je trouvais assez intéressant, c'est que en fait quand Morgan le voit en armure, on voit le visage de Gabriel Byrne, mais quand il enlève son casque, c'est Gorley, etc. Elle voit les deux. Je vais juste à dire, parce que je vais pas faire le truc comparé avec Mallory, mais dans Mallory, c'est quelque chose qui est déjà là, où justement, Ygraine dit à Uther, il y a quelqu'un qui m'a visité, mais on m'a dit que mon mari était déjà mort depuis 3 heures, lorsqu'il avait tenté de faire une sortie. Ici, c'est instantané, parce qu'on voit que la mort et la conception ont lieu en même temps. Dans Mallory, c'est 3 heures avant. Pourquoi? Parce que ça permet de garantir que Arthur est pas un bâtard, Ça permet de garantir que Ygraine était plus mariée à Gorley parce qu'il était mort. Et donc, Arthur est un enfant légitime. Dans la loi britannique, il faut que l'enfant soit né dans les liens du mariage. Il ne faut pas nécessairement qu'il soit conçu dans les liens du mariage, comme c'est le cas en France à l'époque. Et c'est important parce que, d'un point de vue politique, le fait qu'Arthur soit ou non un bâtard a été utilisé politiquement, notamment au XIIIe siècle, pour justifier les droits des rois anglais sur l'Écosse. Mm-hmm. Ils essayaient de justifier auprès du pape le fait qu'ils devaient conquérir l'Écosse, ils avaient un droit sur l'Écosse, parce qu'Arthur avait conquis l'Écosse, et qu'eux-mêmes étant rois d'Angleterre, comme Arthur l'était avant, d'Angleterre, entre guillemets, ils avaient un droit. Et les Écossais, en répondant au pape, disent non, Arthur c'était un bâtard, c'était pas un roi légitime, vous pouvez pas vous réclamer d'Arthur. Et c'était vraiment utilisé politiquement au XIIIe siècle. Et c'est ces considérations-là qui peuvent paraître fictionnelles. Jusqu'à Henri VIII, on utilise le roi Arthur comme justification. Le frère aîné d'Henri VIII, l'héritier d'Henri VII, mort prématurément, le premier mari de Catherine d'Aragon, c'est Catherine d'Aragon, la première femme il me semble, d'Henri VIII, je suis très mauvais en Tudor. Mais le frère aîné d'Henri VIII, qui aurait dû être roi, s'appelait Arthur. C'était la réunification du Pays de Galles, de l'Angleterre. Et effectivement, il y avait un côté vraiment destiné là-dedans. Donc il y avait une influence politique très très forte, même au-delà de Mallory. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que les chevaliers sont tout le temps en armure et qu'effectivement, Uther viole, clairement, Ygraine en armure. L'acteur, donc c'est Gabriel Byrne, je crois, qui interprète Uther, s'est beaucoup plaint de ça en disant que ça avait aucun sens, quoi. Pourquoi il prend pas deux secondes juste pour enlever son armure, et en plus en disant que c'était pas pratique du tout. Mais c'est très mémorable. Les plans les plus rapprochés où il n'est pas sur l'actrice, il est en fait pour tourner la scène, il était sur une espèce de gros coussin. Sur un oreiller, Et il dit je me sens super ridicule à tout le monde qui m'observe. Je pense que cette scène, elle est, ça met mal à l'aise quand on la regarde aujourd'hui, mais au moins elle arrive à faire ce truc-là de pas glamouriser cet acte d'usurpation et de viol. Bon, c'est montré comme quelque chose. Elle essaie quand même un petit peu. C'est vrai, il y a quand même un peu du beurre doux étalé au coin d'écran. mais c'est quand même présenté comme quelque chose de profondément monstrueux, en fait, ce qu'il fait. Le personnage du Terpendragon, le film ne met aucune empathie sur lui à aucun devant moment. Devant la petite fille. Merlin lui dit You're not the one. Au moment où Arthur naît, il essaye de se rendre. Il dit J'ai toujours. I've only known how to butcher men. Now I shall learn to love them. Il n'aura pas l'occasion, évidemment. Mais c'est vraiment aussi une des façons que le film a de présenter Arthur comme opposé à Uther. Arthur est beaucoup plus empathique. Il va tout de suite aller proposer l'amour avant toute solution, même à Mordred, comparé à Uther qui était juste je sais juste buter des gens. Sinon, une autre réplique de cette scène, avant qu'on passe peut-être à la suivante, qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Morgane voit Merlin emporter Arthur, elle le regarde et lui demande « Are you the father and the mother of the baby now, Merlin ?» C'est très bizarre, parce que Merlin répond pas, et puis on sait pas exactement ce que ça veut dire, mais elle lui demande s'il est le maire... Le père et la mère du bébé, puisqu'il l'emporte. C'est à la fois très naïf et très sage, et on ressent déjà que le personnage de Morgane, c'est pas une petite fille normale, en fait. Il y a déjà un souci ce traumatisme. Déjà, elle voit son père mourir dans son rêve, donc... Et sa mère se faire violer en même temps. Juste après, belle ambiance, hein. Un petit peu formateur. Et du coup, comme on l'a dit, Uther part à la poursuite de Merlin pour essayer de récupérer Arthur. Et en fait, il tombe dans une embuscade des barons de Gorley qui sont encore fidèles à Gorley et qui le tuent un peu cérémonieusement. Mais avant qu'il puisse saisir l'épée, il la plante dans un rocher. Mon héritier légitime. En gros, seul moi ou mon héritier légitime peut l'attirer. Et ça a évidemment le sens que ce sera Arthur de l'ôter du rocher. J'aime beaucoup la scène de la mort d'Uther. Je trouve que quand il est à l'intérieur du château, ça marche pas très bien parce qu'il tape sur les murs, puis il est très théâtral comme ça, puis ça fait un petit peu trop. Mais sa scène de mort, je trouve qu'elle marche très bien, même si elle a dû être un peu... Je crois qu'ils ont dû redoubler des passages parce que le son est un peu bizarre par endroit. C'est toujours très compliqué de filmer quand t'as des acteurs en armure parce qu'il y a justement ce gling-gling tout le temps. Et pour gérer au niveau du son, c'est un peu compliqué d'entendre les répliques par-dessus tout ça. Donc effectivement, généralement, il faut redoubler derrière. Puis donc, on coupe immédiatement à un tournoi qui est une quinzaine, vingtaine d'années plus tard, où Arthur Genécuyer va avec son frère Kay, qui est chevalier, lui, et leur père Hector, et il va s'illustrer dans un, et il va s'illustrer pour apparemment pour la première fois dans un tournoi. Et on voit Patrick Stewart qui défonce absolument tout le monde, qui bouffe cette scène. Il est son rôle dans tout le film, il a pas beaucoup de répliques, il a quelques répliques, mais l'essentiel de son rôle, c'est de tenir une hache à deux mains et puis de faire de hurler. Ouais, mais il le fait très bien. Il a beaucoup de plaisir à le faire. Il y a aussi une scène où il danse après la victoire de la fin de la rébellion, où il a une espèce de t-shirt médiéval à manches assez courtes, où il danse et puis il est tout le temps à fond, donc c'est quand même assez c'est compréhensible qu'il ait marqué les esprits après avec sa carrière décollée. C'est aussi rigolo que à côté les rôles pour lesquels il est plus connu, c'est T. Hall Gray Hot. Shut up, Wesley. C'est très, très mesuré dans Star Trek comparé à Léo Dagan dans cette version. Et du coup, alors, je vais pas vous résumer dans les détails, hein, mais ce qui se passe évidemment, c'est que Arthur oublie l'épée de Kay, il essaie d'aller la retrouver, mais un gamin la vole. Il est tenté par l'idée de voler une épée à un forgeron. Ouais, c'est rigolo. Mais d'ailleurs, le gamin est de forte chance que ce soit soit un gamin envoyé par Merlin, soit Merlin lui-même. Hein, c'est aussi possible. C'est pas, on ne sait pas. Ouais. Mais il tombe sur l'épée. Le gamin attend que Arthur le suive. D'ailleurs, clairement. Le forgeron qui voit Arthur, c'est en fait le type qui a fait toutes les armures du film. Seul gosse. Et du coup, il retire l'épée du rocher un peu en se disant, bah voilà, une épée comme une autre, hein. Ouais. Et il la donne à Kay, et tout le monde arrive, puis là, l'épée a été tirée du rocher, ouais. Et Hector demande à Kay, et t'as retiré l'épée du rocher, il dit non. Avec juste un petit regard d'Arthur, quoi. Mais en fait, c'est aussi rigolo parce qu'on sent que Kay est un peu plus con-con que méchant ou un peu fourbe, comme ils peuvent l'être dans certaines orientations. On voit aussi les rouages qui commencent à tourner dans sa tête, où il se dit, est-ce que je vais réussir à m'en tirer avec ça? Ah non, merde, c'est Arthur qui l'a tiré. Il n'a pas compris la question, en fait. Mais en fait, après, c'est ça qui est reloqué, reste totalement fidèle, et c'est peut-être le fidèle jusqu'à la fin, avec Perceval, c'est les deux. Oui, mais dans la bataille finale, d'ailleurs. Alors que Kay, souvent, est un peu le méchant déguisé en agneau à la cour d'Arthur. Bah, c'est la version Chrétien 3 aussi. Il est super fourbe dans Chrétien 3, mais dans la plupart des versions, il reste assez. Respectueux de l'éthique, etc. Mais c'est quand même lui qui provoque l'enlèvement de Guenièvre, etc. Ouais. Hein, c'est pas très doué, le garçon. Et dans la version de Robert de Boron, ce que j'adore, c'est que la justification de la version de Robert de Boron, c'est que Hector a préféré, a préféré nourrir à Arthur au lait de sa femme, et du coup, Kay a eu le lait d'une nourrice un peu moins bien, et du coup, c'est pour ça qu'il est un peu con. C'est ça, non, que je trouve très drôle, mais effectivement. Parce que sa femme n'a pas pu allaiter les deux, et que du coup, il a confié son propre fils à une nourrice. Oui, mais comme si ça avait une incidence. Mais du coup, il y avait des pesticides dans son voiture. Le tirage de l'épée mène à un conflit, parce que certains des barons, menés par le baron Urien, mais aussi l'autre, je crois, dans le tas, se rebellent et ils se disent ah non, on n'acceptera pas un gamin comme roi. Et le Dagan a dit non. If a boy has been chosen, a boy shall be king. Si un garçon a été choisi, un garçon sera roi. Et il prête tout de suite allégeance. Et Arthur part. Il est un peu en une petite séquence initiatique. Un écran bleu, tu sais. Il est là et il va chez. Il se retrouve chez Merlin. Voilà. Qui lui explique un peu les détails. Il lui parle du dragon. Il est un peu effrayé. Et quand il repart de chez Merlin, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la rébellion a complètement, s'était complètement déplacée. Et maintenant, il y a une guerre au château de Léo Dagan qui est assiégé. Il va chevaucher à sa rescousse. C'est là qu'on entend pour la première fois le fameux Carmina Burana qu'on a entendu, au Fortuna de Carmina Burana de Karl Orff, qu'on a entendu en générique de cet épisode. Au cours du combat sur les murs de la forteresse de Léo Dagan, alors il aperçoit Guenièvre pour la première fois, qui a l'air tout droit sorti d'un. C'est surtout Guenièvre qui l'aperçoit en premier. Guenièvre, elle le regarde de loin. Guenièvre, elle le voit, et puis il se voit un peu de loin, mais c'est vrai que c'est Guenièvre qui est un peu présentée sur les hauts des murailles, comme la demoiselle. Je sais pas ce qu'elle fout là, d'ailleurs. Bah, ouais, elle est Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse des crêpes pendant ce temps-là? Elle va dans le donjon ou elle prend une armée, une armure, ou je sais pas, t'étais pas là juste comme ça pour dire ah papa. D'ailleurs, je dois dire un truc, c'est dans cette scène, mais globalement dans le film, bon, la musique fait en sorte qu'on a toujours l'impression qu'il y a plus de monde à l'écran que ce qu'il y a, parce qu'il y a toujours littéralement 10 figurants. Et dans cette scène de siège, les figurants font n'importe quoi. Derrière, il y en a qui s'accroupissent, ils tombent tout seuls, il y en a qui trébuchent. C'est vraiment. Les scènes de combat en général sont pas exceptionnelles. Il y a un petit côté. Non, mais c'est bon, on la garde, quoi. Toute la première moitié du film, qui a ces scènes un peu qui se veulent épiques, sont beaucoup moins réussies. réussi, je trouve, ouais. visuellement. C'est le problème du budget. Mais... Et après, ils utilisent des artefacts. Quand Arthur est devenu roi, les deux scènes de bataille qu'on a sont soit dans la brume, ouais. soit dans la nuit, il y a des feux. Et là, ça rend beaucoup mieux parce que c'est plus crédible. Ouais, là, au château de Gondor, ça reste quand même catastrophique. On comprend assez facilement qu'Arthur puisse aller d'un bout à l'autre en train de tuer tout le monde. Il y a un moment qui m'a fait mourir de rire dans la VF à la fin, dans la bataille dans la brume. À un moment donné, t'as les acteurs de la VF qui crient utilisons la brume, ils ne verront pas qu'on est peu nombreux. Et il y a quelqu'un, je pense que c'est peut-être Kay d'ailleurs qui dit ça, utilisons cette vieille ruse. Oui, c'est une vieille ruse, je te confirme. Et du coup, je dirais juste que c'est en fait un des vrais problèmes qu'on voit, que ce qu'il y aurait eu comme gros problème avec une adaptation du Seigneur des Anneaux, c'est qu'avant les progrès du numérique qui te rendent possible de changer tes 50 figurants en 50 000, puis aussi les moyens qui vont avec, ça aurait été absolument impossible de faire le gouffre de Helm ou je sais pas quoi avec 10 pecnos. Ou un dessin animé, comme ça a été fait. Ou un dessin animé. D'ailleurs, aussi, un des trucs qui est marrant, c'est qu'on voit beaucoup Kaamelott parce qu'ils ont une maquette et puis qu'ils vont utiliser elle a coûté de l'argent, alors on va l'exploiter jusqu'au bout. Par contre, le château de Morgane, on le voit jamais. Du coup, il a l'air d'être un peu hors du monde. Enfin, on voit jamais vraiment. On est dans des cavernes. C'est une espèce de caverne, on sait pas trop. En même temps, c'est pas trop grave parce que quand on voit ce qu'ils ont fait de Kaamelott, c'est un peu tristou. Oui, c'est un peu la cour des miracles. Il y a des plages dans les couloirs en fait. Ouais, c'est très athlétique là, mais c'est des merlins sont sur les remparts et que Arthur se rend compte que Guenièvre est parti avec Lancelot. Les remparts, les créneaux sont en métal. Du métal doré, qui retombe pas, c'est terrible. Il dit que c'est un château d'argent et d'or, je crois, avec ses merlins qu'il a construit. Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus solide qu'un château en métal. Donc, mais du coup, on dirait juste un château des années 80. Ou en papier d'alu. Ou en papier d'alu. Mais même Conan ça. Le Barbare est beaucoup mieux réussi. D'ailleurs, moi, je préfère Conan le Barbare. Mais du coup. L'esthétique correspond mieux, en fait, au personnage et à l'atmosphère post-apocalyptique, etc. Alors que là, on a un mélange de rutilant et de crasse. Oui, c'est très, très dérangeant. Assez perturbant. On a à la fois l'image dorée et glorieuse. Justement de la légende arthurienne et les Dark Ages en même temps. C'est un peu perturbant. Alors, pendant la bataille, Arthur perd son épée, va. En fait, perd pas son épée. Il va donner son épée à Urien, qu'il a vaincu, et il veut demander à Urien d'accepter sa merci. Mais Urien dit non, je n'accepte pas la merci d'un écuyer. Et du coup, il donne Excalibur à Urien pour qu'Urien l'adoube et pour qu'il puisse accepter la merci d'un chevalier. Là, et comme en fait, ça, dans l'eau. Et c'est là qu'on voit son talent d'unificateur, beaucoup plus diplomate que Cutter. C'est que Urien est. Malgré les incitations de ses barons, ses alliés, il est là. Il se dit, ça serait facile quand même. Et il la double d'un coup. Ouais. Et du coup, tout le monde est plus ou moins d'accord pour qu'il devienne roi. Il y a un festin. Et il tombe amoureux de Guenièvre. Et les. C'est rigolo, elle lui donne un gâteau, puis Merlin a une métaphore sur. Ce gâteau est comme le futur. Je sais pas ce qu'il y a dedans avant que tu l'enlèves. C'est le Forrest Gump et la boîte de chocolat. J'hésitais à mettre l'extrait dans le générique aussi, mais je pense que ça serait un peu trop. Un peu trop lointain. Mais du coup, il lui prédit effectivement son amour pour Guenièvre et aussi son amitié pour un ami très cher qui va le trahir. Et enfin. Mais Arthur est complètement béant en regardant Guenièvre. Il n'écoute pas du tout, il est fixé sur Guenièvre et il va manger son gâteau. Il faut dire qu'elle a une façon de penser ses plaies. J'ai jamais vu une infirmière faire ça, je me suis déjà fait mal quand elle était là. C'est-à-dire qu'elle coud et elle se penche littéralement sur lui, mais elle lèche à moitié sa plaie à la fin. Enfin, c'est très curieux. Elle coupe le fil avec les dents. Elle coupe en fait. Le fil avec les dents, etc. Donc, c'est au niveau d'hygiène, c'est moyen. Ouais. Si, non, la salive. La salive, d'accord. Ça, vas-y, va lécher des plaies de chevalier. Oh, l'hygiène du tout. Et du coup, il va se lancer sans transition carrément. En fait, on se lance, on arrive à un pont. Qui est défendu par un chevalier mystérieux venu d'au-delà de l'océan, donc de France, de Gaulle, c'est Lancelot. On voit qu'on est un peu après parce que Arthur a plus de barbe. Oui, on est un petit peu après, mais il y a une transition assez soudaine et je me suis demandé, mais est-ce qu'ils sont censés s'être mariés entre les deux? Est-ce qu'ils sont censés passer quelque chose? Non, c'est juste en chemin vers ça et Kaamelott n'est pas encore fondé. Et Lancelot vainc tous les chevaliers qui essaient de passer et Arthur va se lancer dans la bataille. Il va à souffrir pas mal jusqu'à ce que finalement il utilise le pouvoir d'Excalibur pour assommer Lancelot. Et il brise l'épée du coup. Et il le dit à Merlin, ma fierté a brisé cette épée, ma rage l'a brisée. Alors que Merlin lui dit, tu as brisé ce qu'il ne pouvait pas être brisé, et l'espoir est brisé. Alors il va lancer l'épée dans le lac, à côté duquel il se trouve, et la dame du lac va sortir du lac en planche. C'est très avec sa coiffure très années 80. Ce qui est très bizarre, c'est qu'elle a une coiffure années 80, alors que tout le monde a toujours une coiffe bizarre, et du coup, c'est la seule qui a des cheveux normaux dans le film. Et ça fait très bizarre de la voir, en fait. C'est vrai. Elle sort de loin un peu en souriant. Et elle redonne une épée unifiée. Et du coup, on a ce côté des deux épées. Alors, la théorie des deux épées qui ont des noms différents, suivant. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les versions modernes, des gens qui disent ah non, mais en fait, il y a deux épées. Ah, sais-tu. Alors qu'en fait, non, même dans Mallory, il y a qu'une seule épée. Enfin, les deux épées s'appellent Excalibur en plus dans Mallory, mais dans la plupart des versions, il y a qu'une seule épée. On n'a pas son nom tout de suite. Voilà. l'idée des deux épées, c'est quelque chose qui est bien plus tardif. Et là, en l'occurrence, c'est la même épée qui va être tirée du rocher. Comment elle chope son nom, du coup, si elle n'a pas son nom au départ? Mais non, mais parce qu'en fait, quand la Dame Bulak revient voir Arthur, Arthur lui dit, au fait, l'épée que vous m'avez donnée, j'ai oublié son nom. Ah ouais, c'est vrai. Alors que là, tout le monde sait que c'est Excalibur, quoi. Et du coup, Lancelot rejoint Arthur en embrassant l'épée dans une scène qui est extrêmement phallique. Oui, c'est vrai. C'est vrai maintenant que tu le dis. C'est ça, elle est très freudienne. Non, mais son Freud de loin. Mais Bormann, il aime bien justement Jung, Freud, Fraser. Il aime bien tous ces trucs que les lycéens. Il embrasse délicatement la pointe de l'épée. Wow. Mais un peu comme tout le film, en fait. C'est-à-dire que c'est un film dont la symbolique est volontairement très lourde et très transparente. Donc tous les potards sont tout le temps au maximum, d'où la musique, d'où le truc, le côté rutilant, ça, d'où le fait que je vais te montrer un symbole phallique et je vais te le montrer bien et assister dessus pendant 5 minutes. Voilà. je ferai juste une note sur les scènes de bataille qu'on a vues et sur le film en général, parce que ce que je disais sur les armures, c'est quelque chose que Arthur Ian Mitty a remarqué, c'est que c'est assez facile de confondre les chevaliers. Ouais. Genre au bout du cinquième visionnage, ok, ça va. Ils ont des physiques quand même assez distinctifs, mais des mecs barbus en armure, c'est facile de les confondre. Et Arthur Ian Mitty a remarqué, si seulement il y avait un système de couleurs et de symboles qui servaient à distinguer des individus en armure à travers, et puis le film on l'utilise pas du tout, il y a juste Arthur qui a un bouclier noir avec un dragon doré, et même Perceval quand il veut défendre Guinevere on lui donne un bouclier générique qui est le même bouclier que Bauer, motif géométrique qui est le même bouclier que celui d'enfin. C'est dommage, j'utilise pas ça du tout. Les armures sont un petit peu différentes, mais effectivement, il faut faire gaffe aux armures pour repérer qui est qui. Mais même quand Gauvin se bat avec Lancelot, ils ont pratiquement la même. Elles sont très C'est-à-dire qu'il y a un choix stylistique qui est très fort, thématique, c'est on a des armures sales, on a des armures brillantes, on a des armures rouillées, mais du coup, comme cette uniformité qui crée des effets visuels impressionnants, ça gêne un petit peu sur le l'identification, plan du récit, quoi. Alors du coup, Lancelot rejoint la cour d'Arthur, ils se battent contre des envahisseurs un peu indéterminés, mais on peut comprendre que c'est des Saxons vu le contexte arthurien. Et alors c'est une très belle scène, ils sont dans la nuit, on voit des feux sur la montagne et ils se rejoignent en cercle après avoir vaincu, tout le monde revient de la bataille et c'est cette fameuse scène où justement la table ronde est fondée parce qu'ils sont en cercle autour de Merlin qui leur annonce très Henri V sur le jour de la Saint-Crispin dans Henri V, c'est le jour dont vous vous souviendrez parce qu'on a gagné à Azincourt. Là c'est pareil, c'est vraiment Men shall remember this day, et puis voilà, c'est le destin des hommes qui normalement ils oublient, pour qu'on se rappelle on va fonder cette table ronde. Remember because it is the doom of men that they forget. Voilà, c'est très, ça c'est pas mal, ça comme réplique. Et il va fonder autour de cette table ronde Camelot, et dans le même élan il va prendre une femme et pour envoyer chercher Guenièvre. La surprise de Léo Dagan d'ailleurs. Voilà. Il a l'air un peu étonné de cette tournée. Voilà. Ok, d'accord. Je vais prendre une femme. Ah bon? Il va envoyer chercher Guenièvre. Qui c'est qui va envoyer? C'est Lancelot. Et c'est là qu'on a le thème Tristan et Iseult qui va arriver, parce que c'est exactement c'est Tristan qui va chercher Iseult pour le roi Marc. Et là, c'est Lancelot. Et il lui dit même, cache quand ils sont en train de chevaucher ensemble, qu'il est amoureux d'elle. Je n'aimerai que vous jusqu'à la fin de ma vie. La fin de votre vie d'ailleurs, je crois qu'il lui dit. Voilà. Très intéressant. Mais il lui dit, mais je suis juré à la quête. Donc c'est de nouveau cette seule précision. Que cette vague quête du Graal sur le plan, c'est pas encore qui l'est, qui l'empêche de consommer cette relation. Et finalement, c'est un peu ce côté amour courtois il y a une tentative de le répliquer entre Arthur et Lancelot en disant ah oui, c'est mon meilleur ami, mais on voit pas tellement ça. Non, et avoir un peu plus, même d'amitié ou même d'homoérotisme entre Arthur et Lancelot, parce que par moments ça aurait été plus intéressant, ça aurait amené plus de poids finalement. Ils auraient dû incorporer le personnage de Gallo qui est plus dans Mallory, mais ils auraient dû incorporer le personnage de Gallo dans Arthur et puis faire que Arthur et Lancelot aient une relation, peut-être pas homoérotique, il n'y a pas besoin, mais le truc c'est que si c'est un triangle amoureux qui a deux côtés, donc Lancelot Guenièvre et puis Arthur Guenièvre, si la relation entre Arthur et Lancelot n'est pas montrée, c'est pas intéressant. C'est ce que White fait en développant justement cette. Ils sont censés être meilleurs amis, mais il dit juste c'est mon meilleur ami, puis on est là, ah bon. Je trouve vraiment que c'est le personnage. Vous êtes battu. Je trouve vraiment que c'est le personnage qu'on comprend le moins, Lancelot, dans le film. Il change beaucoup de caractère en fait d'une scène à l'autre, et on sent que c'est peut-être lui qui a le plus souffert du montage. Oui, exactement. Exactement, c'est ça. Alors du coup, on marie Arthur et Guenièvre devant une magnifique tapisserie avec la tête de Jésus dessus. C'est très très drôle cette scène. On chante le Kyrie Eleison. On chante. Alors ça, c'est super triste pour un mariage, le Kyrie Eleison. Ça veut dire Seigneur, prends pitié, le Kyrie Eleison en grec. Donc c'est pas. Mais c'est parce qu'il y a une scène. Ma théorie, c'est parce qu'il y a une scène païenne où il y a Morgan et Merlin qui vont faire les sorciers en arrière-plan, puis ils sont là, le christianisme. Donc on met un christianisme triste pour. Ouais, et c'est ça. Et Morgan se dévoile à Merlin, lui dit ah, je suis aussi sorcière. Puis il lui fait le test. Je connais les racines. Ah ouais, t'es sorcière. Est-ce que tu connais même trois albums des racines. Exactement, le gatekeeping. Mais Morgane dit qu'elle peut soulager Merlin de son fardeau de solitude. Et Merlin se la joue Gandalf en disant non, mais c'est notre ère de magicien est terminée, c'est l'ère des hommes, c'est est arrivée, le quatrième âge. Ouais. Pardon, la fondation Tolkien. Non, il y a non, un non, oui. On a pas les droits d'huile, on change, on change. Non, c'est tout à fait ça. Il y a ce thème-là qui est le temps du dieu unique. C'est quelque chose qui est souvent mentionné dans les fictions arthuriennes, typiquement dans Camelot, mais qui est jamais vraiment exploré en détail. Camelot le fait un peu plus que d'autres versions, mais là, c'est vraiment très superficiel. C'est du saupoudrage un peu à païen. C'est l'idée qu'il y a nécessairement une fondation païenne à la matière de Bretagne. Ouais, on va le retrouver dans certaines interprétations, dans certains films, mais ça va être quand on a des films vraiment axés sur ça, en fait. Soit on a les Brumes d'Avalon, façon Marion Zimmer Bradley, où là, on a tout le côté païen qui réapparaît parce que c'est la déesse mère, etc. Plus sympa, d'ailleurs. Soit on a des films comme... on a un film de Chad Burns qui s'appelle Pendragon, Sword of His Father, qui est un film qui est 2006, je crois, de tête, quelque chose comme ça. Un film qui vient des États-Unis, mais qui est un film super religieux et qui, là, il n'y a même plus d'histoire quasiment. C'est que la lecture biblique du truc et c'est chiant, quoi. Faut être honnête au bout d'un moment. Hein, voilà. Donc en fait, généralement, les réalisateurs préfèrent effacer au maximum parce que déjà, ça évite de se perdre une partie du public parce que. Allez, on est un public, voir des films ou des documentaires sur la religion païenne ou la religion chrétienne, vous risquez pas de remplir les salles autant que Guy Ritchie avec son Excalibur. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'il mentionne quand même ça parce qu'il y a un besoin. C'est la culture populaire, c'est que, la transition, les mythes pré-chrétiens et c'est vers ça. Ça doit être mentionné, même si ça mène pas forcément à grand-chose. Enfin, en l'occurrence, là, la fin de la magie, la fin du royaume arthurien, éventuellement. Ça fait partie des codes, en fait. C'est aussi un code du thème de la fantasy, le côté passage sombre, la Tergasse, puis la Renaissance, puis après, l'ère de l'homme. Et en même temps, encore des fois, avec des toutes petites scories de trucs dont on sent que ça vient plus de la fantasy ou de la SF que de la matière arthurienne. Ce moment où Merlin dit « Je m'en vais de ce monde », mais il y a des mondes parallèles. Enfin, il y a ce côté assez incroyable. Ça n'a absolument rien à voir. On se retrouve en Valinor, tout à fait. Alors, on est à peu près à la moitié du film, donc je pense que c'est le moment pour faire une petite pause musicale et on va justement évoquer ces thèmes avec la pause musicale en question. On vous retrouve tout de suite après ça. Night is falling. You've come to journey's end. Sleep now. Dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. Shadows falling, of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling. You and I will meet again, and you'll be here in my arms, just sleeping. What can you see? Bonjour, on est de retour après Into the West, Annie Lennox, donc de la bande-son du Retour du Roi. Thématiquement, on a dit, hein, il y a des liens avec Le Seigneur des Anneaux. Borman voulait faire un film du Seigneur des Anneaux et ça se voit dans le film et dans les thèmes. Et évidemment, Tolkien lui-même a quand même, malgré son légendaire dégoût pour une partie de la matière de Bretagne, pour le dégoût peut-être un peu fort, mais sa réticence au côté trop français de la matière de Bretagne, comme truc en pas germanique, c'est pas assez germanique. Il y a des thèmes, typiquement le passage vers l'ouest, ça ressemble beaucoup au départ d'Arthur pour Avalon. Mais ça, c'est dans quelques heures encore de film, parce que de plus près qu'à la moitié. Hein. Et on est à la fondation de Camelot et on voit Camelot qui ressemble donc à une espèce d'expo internationale slash. Ouais, il y a tout. Hein. J'aime beaucoup la scène où justement Perceval, il y a une espèce de plan séquence où il avance, il y a ces scènes de cartoon, il passe devant des lentilles et des alchimistes. Ouais. On sent que c'est un endroit de science. Des jongleurs aussi, ouais. Savoir, des cracheurs de feu. C'est un peu de world building qui manque un peu dans le reste du film, je trouve, pour comprendre vraiment le ce côté un peu fantastique de Camelot. Ça fait très foire médiévale en fait. Ouais, voilà. C'est comme le début du tournoi où Arthur va quand il est jeune. T'as un petit côté très foire médiévale. Ça fait plus Renaissance Fair, Mais très souvent en fait, les films qui se parlent du roi Arthur ou les séries d'ailleurs mettent de côté tout ce passage super optimiste et super constructif de la légende arthurienne parce que c'est pas intéressant. Là, Arthur règne, tout va bien, tout le monde est heureux, donc c'est chiant, on va passer à autre chose. Faut dire aussi que c'est rarement un des points d'intérêt même des textes médiévaux. Oui. L'essentiel de la légende arthurienne, c'est pour dire aux contemporains. Alors contemporains, vous faites de la merde, même le roi Arthur fait de la merde. je dois dire que moi la scène simplifie beaucoup. Perceval passe à travers cette scène où il voit des alchimistes, un type qui a des espèces de tables d'astrologie qui tournent, des trucs comme ça. Je me dis, c'est comme ça que je me sens quand je vais sur Twitter et puis que je passe. Non, alors il faut préciser que Perceval a rencontré Lancelot dans la forêt et que donc c'est un début très similaire du Perceval de Chrétien. Il voit un chevalier, il est un peu homme sauvage, homme des bois. Il donne un lapin qu'il a tué. Il essaie de le tuer d'abord, mais après il dit il a l'air trop puissant, je vais m'en faire un ami. Il suit Lancelot jusqu'à Camelot à pied. Il le dit à pied. Mais le monde n'est pas aussi grand. Ça fait 20 jours de marche. Non, c'est pas possible. Le monde n'est pas aussi grand que ça, exactement. Et il se retrouve échanson à la cour d'Arthur en fait. Et c'est là que il y a un festin, donc il voit cette... Quand il arrive au château et qu'il est envoyé aux cuisines, on voit aussi Guenièvre qui accueille Lancelot, qui lui dit « Ah, tu ne veux pas rester ?» Et Lancelot là « Non, je ne peux pas. » Il part. Il ne voit même pas Guenièvre. Guenièvre le voit depuis un escalier en haut, puis il dit au portier qu'il va se Et puis Guenièvre, la Morgane réaction de Guenièvre est guettée par Morgane, en fait, qui se dit « Ah, il y a un truc. » Et du coup, au festin qui suit, Morgane met des coups dans les côtes de Gauvin. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur eux. C'est vraiment très, très subtil. Et Gauvin s'énerve à moitié de frustration question parce que Lanceau est pas là, et je pense parce qu'il a dû se dire, ah, il y a quelque chose. Il est bien bourré. Ouais. Il est bourré aussi. Ouais, parce qu'on voit quand même tout le monde a bien. C'est un bon repas. Ils ont bien épongé, quoi. Et c'est dû probablement un peu par Morgane aussi. Le côté sacré de la table ronde. Il accuse Gauvin et Guenièvre. Il accuse Lanceau et Guenièvre d'adultère. Guenièvre lui propose de boire à la coupe de Lancelot pour que Arthur fait toujours remplir, hein, même s'il n'est pas là, pour que Arthur, pour qu'il puisse partake in his goodness, pour qu'il puisse absorber un peu de la bonté de Lancelot. Et il l'accepte pas, il refuse, et du coup il demande un duel pour prouver que Guenièvre est coupable. Et personne se dévoue pour proposer l'innocence de Guenièvre, puisque Lancelot n'est pas là et que personne d'autre, tout le monde se dit ouais. Alors au départ, Arthur dit Lancelot la défendra parce qu'il est aussi accusé, ce qui est logique, puis il dit je peux pas le faire moi. Mais le jour du combat, justement, il y a personne qui regarde Lancelot un peu ses pieds pour le défendre. Perceval s'élance et dit je vais le faire. Si personne n'est pas encore chevalier. Il est pas encore chevalier, puis Arthur dit bon, si tu es le seul, je t'adoube. Et puis heureusement, Lancelot arrive à temps, mais c'est comme ça que Perceval devient chevalier. Ce qui est sympa, j'ai trouvé comme scène. Dans Perceval comme chevalier un peu honnête, Nice. Mais dans la Vulgate, il y a des scènes comme ça, quand il y a l'épisode de la fausse Guenièvre, où Guenièvre a un sosie qui a été engendré parce que son père a violé la femme de son sénéchal. Normal. Et puis du coup elle a un sosie qui se fait passer pour elle, et elle va être brûlée, mais il y a genre que Lancelot puis compagnie qui la défendent alors qu'Arthur est ensorcelé. Puis chez Mallory, en fait, il y a ce genre de duel avec Lancelot et tout, mais en fait, si les gens veulent pas se battre pour Guenièvre, c'est parce qu'en fait c'est mal vu de défendre une femme si son mari est là. Et donc il y a cette idée chez Mallory que les gens le font pas, alors que là le sous-entendu c'est que tout le monde pense que Guenièvre est coupable. Chez Mallory ça a une connotation un petit peu différente. Faut peut-être préciser aussi que le fait que Guenièvre propose à Gauvin de boire de la coupe de Lancelot, ça a aussi une connotation différente, parce que dans la Vulgate, ça commence dans la Vulgate, il y a une histoire où elle cause la mort involontairement d'un chevalier en lui faisant boire d'une coupe empoisonnée, en fait. Non, en lui donnant une pomme empoisonnée. C'est toujours les pommes avec les femmes. Il y a une pomme qui est destinée à quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui dit, puis elle lui donne un quartier, puis il meurt, et puis malheureusement elle est accusée. Alors ça pourrait être une route qu'ils auraient pu prendre ici aussi. C'est vrai qu'il y a un peu de tension, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec cette coupe. Tout le monde se passe la coupe d'ailleurs autour de la table. C'est beaucoup trop long. Puis il y a Liam Neeson qui la renverse. Ah non. Alors peut-être que c'était censé être un truc pour faire voir le Graal en avance. Et la coupe. De Lancelot. Lancelot qui a une coupe sur ses armures, son armure et son bouclier. C'est contextualisé différemment avec plus d'histoire. C'est pas impossible. C'est très bizarre en tout cas. Mais du coup, Lancelot arrive. Tabasse Gauvin, à deux doigts de le tuer. Gauvin admet l'innocence de Guenièvre et Lancelot va pour tuer Gauvin. Tout à fait sérieusement, il allait le fracasser la tête. Et en fait, il tombe parce que pendant qu'il était absent, il se plantait. Il s'est blessé tout seul. Alors, c'est pas du tout pareil. Vous ridiculisez ça alors que c'est puissant et profond. C'est l'idée en fait qu'il lutte contre lui-même. Il combat contre son armure vide. Et à un moment, il a son armure qui est plantée dans son côté. Son côté aussi très roi pêcheur un petit peu. Mais l'idée, je pense, c'est plutôt d'évoquer. D'ailleurs, Star Wars épisode 5 en fait, Luke se bat dans la caverne de Dagobah contre Dark Vador, puis en fait il décapite Dark Vador et dans la tête de Dark Vador c'est lui en fait. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas compris, t'as l'ancien qui dit I'm fighting against myself. Oui, c'est vrai. Si vous n'étiez pas sûr du. Et en fait, le truc qui résulte, c'est que dans sa transe, il se blesse dans sa confusion, littéralement. Big up le Poké Freak Show qui nous suivra sur cette antenne dans quelques minutes. Il se blesse le côté et c'est cette blessure qui va continuer à le blesser et qui va causer son évanouissement en fait. D'ailleurs, il pisse le sang et c'est pas mal parce que justement ça permet un minimum de le distinguer de Gauvin parce qu'il est couvert de sang, mais on le voit pas assez pour que ça soit. Toutes ses cuisses, etc., sont effectivement couvertes de faux sang, et c'est assez impressionnant d'ailleurs, je trouve, à l'image. Ce combat est très brutal, il est vraiment d'une sauvagerie que je trouve assez intéressante. Mais il y a beaucoup, par exemple, le duel de Lancelot aussi. Il y avait un moment où Arthur il se bat contre Lancelot, puis il y a Lancelot qui lui dit, mais c'est ridicule de se battre à mort pour moi, pour un lopin de terre qui vous sert à rien et que vous pourriez contourner. Puis Arthur il dit, à mort alors, et il duel wield et il prend une masse en plus de ce que. Ouais, il est assez persévérant comme ça, Arthur, dans ce film. À ce moment-là, du coup, Merlin va essayer de soigner Lancelot, mais c'est vraiment grâce à Guenièvre en fait que Lancelot va être soigné. Et c'est un peu une scène un peu bizarre parce qu'on sent que tout le monde Arthur sait. Aussi, c'est à la demande d'Arthur, parce qu'Arthur veut que Lancelot soit serré, parce que son chevalier favori. Il lui dit, je m'en fiche des conséquences. Voilà. Du coup, c'est une scène un peu bizarre parce qu'on dit que tout le monde semble conscient que ça va mener à l'amour de Guenièvre et Lancelot, et tout le monde agit en fait. Et effectivement, une fois guéri, Lancelot va partir panser ses blessures intérieures dans la forêt, et Guenièvre va le rejoindre, et Arthur est là, voilà. Il va voir Merlin, il dit, est-ce qu'ils sont ensemble? Et puis Merlin lui répond oui. Et en fait, Lancelot, avant de partir, il a quand même accusé la mollesse de la cour. Et Merlin disait, la vérité, la valeur numéro un pour les chevaliers, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. Mmh. Et quelque part, Lancelot suit ça en étant honnête à sa nature et en refusant de rester dans une cour qu'il trouve un peu... de plus en plus corrompu en fait. Et effectivement, il se repose aussi tout seul dans la forêt en armure complète. Oui, voilà, oui. C'est vrai, il fait jusqu'à ce que en armure. Ouais. Et Gunnar arrive à le trouver parce que son amour si est ça, un forêt, véritable voilà. GPS. Ouais, c'est ça, elle sait où il est exactement. Elle lui a mis une puce. Ouais. D'ailleurs, ça, tout ça a été filmé un peu dans le jardin derrière chez John Borman parce qu'apparemment tout a été filmé dans un rayon de 2 ou 3 miles autour de sa maison et il a dit c'est la seule c'est la seule fois où dans un tournage où j'ai pu dormir chez moi tous les soirs. Donc en matière d'économie aussi. Bon, après, c'est des beaux paysages. C'est beau, c'est hein, c'est mais on sent que c'est une forêt pas sauvage. Hein. Voilà, c'est une forêt un peu où tu peux aller te balader, quoi. C'est ouais, c'est l'unité de lieu, elle est très évidente. Hein. On voit vraiment que c'est la même région tout le long du film, même quand ils sont supposés être très loin. Hein. Tu veux dire que dans les forêts, dans le coin, il n'y a pas des pitons qui se baladent sur les murs, c'est pas des pitons pour faire un petit peu de symbolisme impromptu. Et du coup, c'est cette scène un peu étrange où, du coup, Sam, il consomme l'armure et Arthur et Merlin sont un peu en train de dire bah voilà, c'est triste, en gros. RT si c'est triste. Et Merlin dit une scène dans un mot qui est plutôt Bilbon que Gandalf. D'ailleurs, je deviens I've grown thin and threadbare. Je suis devenu tout fin et comme s'il avait été un vêtement usé en fait. La métaphore du vêtement usé. Il le dit à Morgane après qu'il a essayé de trop intervenir dans les affaires des mortels, il est devenu un peu fatigué. Il veut se retirer du monde et il dit au revoir à Arthur. Il emmène Morgane sous Camelot, dans les eaux du dragon, dans une espèce de caverne, où elle va lui voler son pouvoir et elle va l'emprisonner dans une prison de verre. Ça, en fait. Il essaye de la piéger. Et voilà. En fait, vu il essaie de la piéger, mais elle va réussir parce que lui, il est trop affaibli. Il est affaibli parce que pendant ce temps, Arthur n'en pouvait plus le sortir de sa tête et allait essayer de retrouver Guenièvre et Lancelot et les a vus nus, dormant ensemble dans la forêt, et a fait ce que fait le roi Marc dans les versions de Tristan et Iseult. Il a planté son épée entre les deux pour signifier je suis venu et j'ai vu votre différence. Sauf que là, c'est pas simplement l'épée du roi Marc. C'est Excalibur. Et il le plante, et en fait, ou alors c'est Tristan et Iseult qui mettent une épée entre eux pour montrer qu'ils sont chastes. Pour montrer qu'ils sont chastes parce qu'ils ont dormi avec une épée entre eux et que donc ils ne se touchent pas. Et là, alors l'union a été bien consommée. J'aime bien la scène qu'il y a dans justement quand Merlin descend avec Morgane dans la cave et il voit justement Arthur en train sur les murs de la cave, il voit Arthur en train de s'approcher. De Lancelot et Guenièvre. Et en fait, une scène très Adam et Ève, d'ailleurs, Lancelot et Guenièvre enlacés dans la nature. Et avec les serpents. À ce qui paraît, c'était super chiant parce qu'il y avait plein de moustiques et d'insectes. Il y a des chances, puis des petites araignées dans la mousse, tout ça. D'une manière générale. Je ne comprends pas les gens qui font ça dans la forêt. Tout bizarre. Toutes les scènes de sexe dans le film ont l'air très inconfortables et les acteurs, ont même à l'écran, n'ont pas l'air de passer un moment vraiment très intéressant. C'est donc de mauvais acteurs. En plantant l'épée, en abandonnant l'épée, Arthur plante l'épée dans l'échine du dragon. Ouais. Et en fait, dans Merlin, parce qu'il y a une scène où on voit Merlin qui est transpercé par l'épée, c'est ça qui l'affaiblit, qui permet à Morgane de prendre le dessus. Et Morgane va utiliser ensuite le pouvoir qu'elle a obtenu, une fois que Arthur est revenu, pour prendre l'apparence de Guenièvre, alors qu'il est complètement en train de bader, quoi. Et elle couche avec lui, et elle se révèle à lui à la fin, puis elle dit ah, j'ai conçu un fils avec toi. Mon frère. Et elle part, et 9 mois plus tard, elle accouche. Au moment où elle accouche, Arthur, avec des espèces de servants des ténèbres. Elles sont autour, elle l'approche pas. Des servants des ténèbres un peu étranges. Elle accouche au milieu d'un. C'est très Mélisande dans Game of Thrones. Très mauvaise ambiance, cet accouchement. Oui. C'est pas des doulas à côté. Non, c'est quand même balèze de choper le gamin comme ça entre ses jambes et tout. Oui, c'est ça, c'est débrouille. Et voilà, au moment où l'enfant naît, Arthur est à la messe. Et il est instantanément foudroyé. Même la messe, tout le monde est habillé en noir. Il y a de la lumière violette qui passe à travers les murs. Il y a des éclairs partout. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé, je crois, trop des effets spéciaux, un petit peu, mais les effets de la foudre sont assez impressionnants en termes de chip. La pire scène, je pense, c'est celle de Merlin, dont on va parler juste après, mais c'est quand même pas terrible. Maintenant, ce que le film fait bien, c'est que ce que remarquait Arthur Almitia, c'est que généralement chez Mallory, vous aviez des très longs discours et des fois, vous comprenez pas toujours ce qui se passe. C'est-à-dire, vous lisez un texte, puis là, est-ce qu'ils sont réconciliés, est-ce qu'ils sont fâchés, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque là, plutôt que d'avoir quelqu'un qui dit Arthur, tu es un pêcheur car tu as conçu un fils incestueux, puis qui fait un discours de 20 minutes, c'est la messe et Arthur est frappé par la foudre pendant la messe, puis on comprend. Alors moi j'avais pas compris. Je me disais, mais pourquoi il vient de se prendre la foudre? Putain, ça m'énerve! Généralement, c'est pas bon signe. Alors, ça, c'est vraiment le lien avec l'inceste. Et du coup, la terre. C'est Dieu est fâché, quoi. Voilà. Oui, la terre devient Gast. Il a perdu son épée. Ah, okay. La terre devient the wasteland de T.S. Eliot, finalement. La terre Gast du roi pêcheur. Et c'est ça qui va mener Arthur à se dire non. il faut qu'on trouve le Graal pour restaurer la Terre. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. Il n'a rien appris du Graal. Comme toute la magie dans ce film, il y a beaucoup de problèmes avec le fait de dire d'où les trucs viennent. Oui. Mais à la limite, le dragon, etc., il y a Merlin qui tente un petit peu d'expliquer que là, le Graal, il apparaît, il sort de nulle part, à part qu'on le voit justement sur le bouclier de Lancelot. Oui, le dragon, c'est d'explication naturaliste. C'est la Terre, c'est toi. C'est un peu une métaphore pour l'unité du pays. Nous et sommes du roi. Pas tous le dragon, finalement. C'est le corps, dragonique du roi. Je m'étais dit que s'il pensait au Graal, c'est parce qu'il s'était pris un éclair divin et qu'il lui avait dit hey, mon gars, il serait peut-être temps que tu y ailles. Peut-être, mais du coup, tu te mets à la place des chevaliers qui donc ont vu leur roi se faire foudroyer pendant la messe. Et après, le roi, qui donc vient de se faire griller le cerveau, un peu mourant sur son fauteuil, leur dit il faut trouver le Graal. Et c'est tout. C'est la seule indication qu'ils ont. Et donc, tout le monde se barre. À part il faut noter que les armures ne deviennent pas noires. Je me suis demandé si les armures allaient devenir noires. Non, elles restent dorées, mais elles vont s'endommager parce que la quête va durer quand même 10 ans. On va surtout suivre Perceval. Et alors, c'est là que pour moi, le film commence à vraiment devenir où tu peux garder les trucs. Je disais un truc, on avait discuté d'un truc avant, je crois. Le film, dans la première partie, essaie d'être très épique et ça marche pas parce qu'il n'y a pas le budget. Ouais. Mais dans la deuxième partie, l'ambiance, c'est plutôt les quêtes arthuriennes, la quête de Perceval, chez Chrétien, c'est ces quêtes individuelles où tu peux avoir une focalisation beaucoup plus, c'est plus intimiste. Ouais. Ça me fait beaucoup plus penser, par exemple, au Perceval de Romer, qui n'a pas du tout le même look, qui est aussi années 80, mais qui n'a pas du tout le même. Années 70-80, mais qui a mal vieilli aussi. Qui a aussi assez mal vieilli, mais qui n'a pas du tout le même look, qui n'a pas du tout la même DA, mais qui, dans l'ambiance, les plans serrés, le personnage qui prend l'importance. Qui est important, il y a ce même côté où ça marche mieux, où les effets visuels marchent mieux parce que c'est juste Perceval seul dans la neige, c'est le seul Perceval face à un arbre pendu. Il y a un côté qui a mieux survécu, je trouve, que le reste du film. Une très belle esthétique, déprimante, mais très belle. Et il y a une scène notamment où il trompe sur le cadavre d'un chevalier qui est agenouillé sous un dolmen et il se demande ah, est-ce que tu as fait des progrès dans la quête. Puis il s'approche et il voit que le cadavre est gelé. Et il y a ce côté vraiment, c'est presque un peu Tintin aussi, je trouve. Un peu, mais justement, c'est plutôt que d'avoir un speech à la fin de la quête du Graal où on dit au fait, 30 personnes sont mortes. D'ailleurs, Gauvin, t'en as tué 20, comme dans la quête du Graal. On voit un squelette dans une armure. Voilà, la quête est un échec. On voit Gauvin égorgé par les hommes de Morgan qui passent sur son cheval devant. Étalé sur son cheval. On voit aussi l'arbre dépendu. On voit des chevaliers pendus toujours en armure parce qu'apparemment ils sont vraiment inséparables de leur armure. Puis donc il y a plein de gens qui ont dit c'est débile parce que si tu prends quelqu'un avec son armure c'est trop lourd, etc. Mais c'est une image tellement mémorable. Oui, c'est la priorité du film. Ouais. Et c'est en fait au fil de cette quête, il va tomber d'abord sur Mordred. Qui est un enfant de 10 ans, le 10 ans sont passés, qui est ultra creepy, ricane avec son armure dorée, qui va l'amener d'abord à l'arbre pendu, puis chez Morgan, où des chevaliers que Morgan a capturés, plus ou moins, vont essayer de le tuer. Chevaliers zombies, ils sont vivants ou pas, aussi, et qui lui proposent juste de boire, etc., de se reposer, parce que sa quête a été éprouvante, effectivement. Elle lui montre un Graal, mais qui n'est pas vraiment le Graal, évidemment. Elle lui dit tu peux boire de toutes ces coupes, mais le Graal n'existe pas, en fait. Elle lui dit il n'y a pas de Graal, puis lui dit non, il y a un Graal. J'y crois. Et il va être pendu à l'arbre. Et au moment où il est pendu, il a une vision. Et ça, c'est très Odin, je trouve, dans la mythologie nordique, pour le coup. Il va avoir une vision du Graal. Et en fait, sa vision du Graal va être interrompue, non pas par sa propre faute, mais parce que. Bah, si, parce qu'il fuit. Oui, mais c'est pas qu'il fuit. Il fuit, mais d'une certaine façon, il fuit parce que sa corde est en train d'être sciée par les épreuves. Il y a un côté Lucky Luke, là, pour le coup. Donc c'est un peu involontaire, quelque part. Mais c'est pas son destin de mourir et de trouver le Graal juste maintenant. Mais c'est ça, il y a tout un suspense. On sait pas s'il va finir sa vision avant de mourir ou d'être libéré. Mais c'est pas entièrement sa propre faute, finalement. Est-ce qu'il fuit, donc il est sauvé? Non, bah après, il tombe, il va pas se Il dit après, j'ai échoué parce que je suis parti. Non, j'ai pas fini. Il essaie de sortir du pont-levis du Graal et puis il se détourne du Graal, en fait. Et il dit après, j'ai échoué. Et du coup, finalement, il va errer un petit peu et tomber sur une foule de pénitents qui est menée par un ermite un peu bruyant, qui est Lancelot, en fait, qui a totalement abandonné la quête. Christ nous a abandonnés, c'est la fin du monde. Je ne sais pas comment Lancelot est arrivé là, dans cet état-là. Il s'est séparé de Guenièvre, visiblement. On sent que ça a été difficile, quand même. On pourra gagner dans un couvent plus tard. Heureusement que Perceval le reconnaît, parce que sinon, il a une barbe de genre. Et il accuse les chevaliers, dont Perceval, donc encore une fois, il n'a rien demandé. C'est qui cette personne qui crie derrière là, qui crie en pleurant, tu fais bah, qu'il y a une sale gueule, un prédicateur. Il y a une pénitente. Dame aussi qui a une femme qui pleure son enfant parce qu'il y a un enfant mort sur un espèce d'hôtel et cette espèce de femme le tout se passant à la fois dans un genre de marécage slash cimetière, c'est une très mauvaise ambiance, c'est très Warhammer, hein, comment dire, ça des bois sur l'eau. La foule de pénitents jette Perceval à l'eau et il va tomber dans une rivière slash un lac, il va arriver dans une caverne souterraine, perdre son armure petit à petit Et il va de nouveau se retrouver devant le château du Graal, où il entend le Graal lui poser la question qu'il avait déjà posée avant, mais qu'il n'avait pas pu, auquel il n'avait pas pu répondre. C'est un peu les questions de Sacré Graal voilà. pour traverser le pont. Exactement, mais là, c'est « What is the secret of the Grail? Who does it serve ?» Donc, de quel est le secret du Graal? Qui sert-il? Et en fait, la voix, il le reconnaît, c'est celle d'Arthur. Et donc, de qui sert Arthur? Ce qui sert, c'est Arthur. Donc, ça, c'est la réponse à la deuxième question. Et la première, c'est que le secret du Graal, c'est que le roi et la terre ne font qu'un. Alors, ça marche très bien dans le film, mais ça n'explique pas du tout le Graal. Ça n'explique absolument pas l'existence du Graal ou à quoi sert le Graal. Mais voilà, le secret du Graal, c'est qu'effectivement, le roi et la terre ne font qu'un, donc il doit être réuni avec la terre, il doit reprendre Excalibur, il doit reprendre son rôle de roi pour que la terre puisse être soignée. Et du château du Graal, où il est arrivé donc torse nu parce qu'il a perdu son armure dans l'eau, Perceval est instantanément téléporté dans la chambre d'Arthur, où il lui amène le Graal, il le fait boire, et Arthur est restauré. Bien plus qu'il n'avait pu l'être avant, et va décider de mener finalement ses troupes contre celles de Mordred, qui entre-temps est devenu plus âgé, hein, parce qu'entre le moment où Perceval a été pendu et le moment où il tombe sur Lanceau, il y a bien 5-6 ans qui se sont passés. Je trouve que c'est la partie qui a la plus difficile dans ce film-là, parce que moi je suis d'accord, j'aime bien l'esthétique, le fait qu'on voit bien l'échec de la quête et tout ça. Par contre, la temporalité, elle est un peu écrasée par le fait que ça dure qu'une demi-heure, qui est 10 ans. Ouais. Il y a des moments où on n'a plus de repères temporels. Ça aurait mérité 3 films en fait, presque. Peut-être, ouais. Un film sur Uther et les débuts d'Arthur, un film sur Guenièvre et Lanceau et un film sur Perceval. Le problème, c'est qu'on aurait encore un nouveau film qui se finit avec Arthur qui prend l'épée, et puis je veux dire, on a déjà 10 dés comme ça, donc ce serait le vrai problème d'une trilogie comme ça. Voilà. Et donc Arthur. Restauré, va mener à travers une reverdie littéralement sur son passage, sur le passage de son grâce au pouvoir de Carmina Burana. Voilà, les plantes vont être restaurées, la terre va renaître. Il va arriver à un couvent où Guenièvre s'est retirée et elle a conservé l'épée en fait, ce qui va permettre de redonner l'épée. Elle a réussi à enlever l'épée du rocher. Non, parce qu'en fait, il avait planté dans la terre, c'est pas dans le rocher. Ça compte pas vraiment. Ah oui, c'est pour ça. De la même façon que rien peut trimballer l'épée d'ailleurs aussi. Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que quand elle rend l'épée à Arthur, elle lui présente emmaillotée dans un linge et elle le tient comme si c'était un bébé en fait. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est là en le revoyant, mais c'est vrai que c'est assez marquant. Voilà, sa postérité en fait, c'est juste l'épée. Puis bah, le fils qui va la tuer. Mais c'est assez simple, en fait, je trouve la symétrie et le fil rouge que fait Excalibur, c'est que l'épée restait coincée dans le rocher parce que Uther voulait pas abandonner le pouvoir et qu'il voulait pas accepter que quelqu'un d'autre le soit et il voulait pas accepter de le partager ou de partager quoi que ce soit, en fait. C'est ça le vrai problème. Arthur, au contraire, il abandonne l'épée et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il en veut pas du tout. Et du coup, c'est logique qu'il reste pas coincé parce que justement, il considère que c'est l'épée, la royauté et le fait qu'il doit être impartial qui l'a empêché d'avoir une relation, disons, complète avec Guenièvre et c'est pour ça qu'il l'abandonne. Mais c'est ça aussi qui cause le problème, c'est le fait que contrairement à Uther, il est dans le péché inverse. Il est dans l'inverse. Oui, après, il voulait pas partager sa femme non plus. Hein. C'est pas... Ouais. C'est vrai. C'est plus la trahison, j'ai l'impression, qu'il a... Peut-être que lui aussi, il avait fauté un peu, on sait pas trop. Hein. C'était un homme de l'époque, on sait tous comment c'est. Hein. Mais du coup, pour le coup, c'est vraiment la réconciliation entre les deux. Et il lui dit un peu quelque chose d'assez mystique, lui aussi, un peu comme lui avait dit Merlin avant, peut-être qu'on se retrouvera une fois que tout ça sera terminé. Dans une autre vie, quand je ne serai plus roi, quand tu ne seras plus reine. On pourra avoir une relation normale. C'est une phrase qui est assez jolie, mais tu ne sais pas trop ce que ça veut dire. Aussi, on ne sait pas où il en est avec Lancelot d'ailleurs. Ça va être résolu après, parce qu'une fois qu'il est équipé d'Excalibur, il peut partir de nouveau à l'assaut contre les troupes de Mordred. Là, il y a Merlin qui va intervenir finalement, en fait. Il va l'aider. En sortant un peu, l'esprit de Merlin va aller se battre finalement contre Morgane qui est en train de dormir et leurs deux esprits vont se combattre et il va réussir finalement à faire sortir la fumée du dragon de Morgane. Elle a d'ailleurs une armure avec des tétons, c'est très perturbant. Oui, elle a un bikini en acier. Mordred aussi. Oui, c'est vrai. Un bikini en acier assez particulier. On retrouve un peu l'esthétique du Batman avec George Clooney. Chevalier Zodiac un peu. C'est important de mettre des tétons sur les armures. Et donc Merlin va lancer une brume pour recouvrir l'armée de Mordred pour essayer d'égaliser un peu les chances. Et il y a ce passage absolument fabuleux où les soldats de Mordred viennent lui dire il y a du brouillard et Mordred dit non, ma mère avait prédit qu'il n'y aurait pas de brouillard aujourd'hui. Donc Mordred va voir sa mère dans le brouillard et puisque Morgane a utilisé toute sa magie pour faire sortir le dragon et cette brume, etc. Involontairement, parce que c'est Merlin qui l'a forcé. Elle a été trompée par Merlin. Donc elle a vieilli énormément parce qu'elle avait réussi jusqu'ici à conserver sa beauté et sa jeunesse. Et du coup, Mordred reconnaît les vêtements de sa mère, reconnaît la voix de sa mère, mais sa mère est complètement vieillie, et donc il la tue. Oui, on ne sait pas si c'est, si c'est juste parce qu'il la reconnaît à moitié, qu'il se dit qu'est-ce qui s'est passé ou qu'elle est plus utile. Elle m'est plus utile. Je ne sais pas, mais il n'est pas net quand même, ce garçon. Ouais, il a l'air méchant quand même. De toute façon, c'est extrêmement malsain. Ils ont une relation un peu glauque et incestueuse aussi, mais est-ce que c'est qu'il a compris que c'est de sa faute si elle a brume, puis donc il la tue? Est-ce que c'est juste. Ou est-ce qu'il y a une vieille femme dans le doute qu'il a tué? Voilà. J'ai interdit les vieilles femmes il y a 15 ans. Ouah, elle est moche, vite, il faut la tuer. Oui, c'est assez curieux comme scène. De nouveau. Et les hommes d'Arthur, donc Kay, Perceval, Arthur se lancent dans la bataille. Ils sont assistés par Lancelot, qui arrive avec une masse, toujours donc habillé comme un ermite, mais il va se battre. Il va finir par tomber, succomber à ses plaies, mais juste assez pour que Arthur ait le temps de lui faire ses adieux et lui dire que. Que c'est son ancienne blessure aussi. Oui, c'est son ancienne blessure qui a facilité sa défaite. Hein, il n'est pas. Parce que c'est le meilleur chevalier de tous les temps, il n'a pas pu perdre aussi facilement. Dans il fait hyper peur avec sa barbe et tout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la blessure le peut finalement l'affecter autant. Ouais. C'est parce que c'est lui qui l'a commis sur lui-même. C'est lui le meilleur chevalier de tous les temps qui pouvait le vaincre. Il était le seul capable de se tuer. S'auto-vaincre. Oui, c'est bien pensé. Et Arthur le rassure en disant que Guenièvre est de nouveau reine. Ce qui n'est pas vraiment le cas. On peut peut-être concevoir que maintenant, que c'est la seule figure du pouvoir restante dans le royaume, celle qui est destinée à, être reine-mère, à faire la transition, je sais pas. Sachant que si elle est dans le couvent, effectivement, elle ne peut pas trop régner en même temps. Ouais, on peut comprendre qu'elle peut en sortir éventuellement, mais enfin, c'est pas très clair. Si t'es novice, oui, tu peux en sortir. Non. Je ne suis pas sûr. Quoique dans cette circonstance-là, je suis pas sûr que t'aies très envie de sortir si tout ça. Ouais, parce que c'est quand même la fin du monde dehors, donc bon. Et puis finalement, les choses ont été. C'est la reverdie, après ça va mieux. C'est un peu ennuyeux parce que quand on est dans la bataille, dans la brume, c'est de nouveau très gaste, alors qu'en fait, il y a eu la reverdie avant. Ouais. Donc c'est un peu curieux. Quand tu regardes dans tout le film, les femmes ont aucun pouvoir, ou alors c'est des pouvoirs négatifs, ou voilà, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il. Oui, non, mais c'est la seule figure de pouvoir qui reste en vie à la fin finalement. C'est vrai. Parce que même Kay meurt aussi dans la bataille. C'est le seul qui reste et qui a un peu les épaules pour faire tenir le royaume debout. C'est ce qu'on comprend là. C'est comme ça que Margaret Thatcher arrivé au pouvoir. Ah oui. tout s'explique. Non, pour le coup, la bataille finale va se résumer finalement à Mordred et quelques hommes contre Arthur et Perceval. Et Perceval va pour tabasser Mordred, mais c'est trop. Il y a Arthur qui dit non, Perceval, je dois le faire moi. Et je me rappelle pas. Puis il y a cette scène très Arthur Rackham où il y a le soleil rouge qui fait 70 mètres de large et Arthur et Mordred s'entretuent. Ce qui est logique parce que Mordred, à cause d'un enchantement d'organe, ne peut pas être tué par des armes faites par les hommes, donc il est tué par Excalibur. Mais ce que je trouve absolument hilarant et que j'ai remarqué classe visionnelle, c'est que Perceval se tient 3 cm à côté d'Arthur. En fait, il est vraiment se jette sur la lance de Mordred. Il remonte la lance pour pouvoir embrocher. Ah, puis avec cette phrase de Mordred, come father, let us embrace at last. Voilà. Oui, c'est. Prenons-nous dans les bras. Pour Mordred, lui, il sait que Mordred se doute pas qu'Excalibur a autant de pouvoir. Il se doute peut-être pas qu'Arthur a Excalibur d'ailleurs. Parce que, aux dernières nouvelles, il l'avait pas encore. Je sais pas, parce que tout le monde est mort, il y a plus que lui. Littéralement. Mordred a pas l'air plus inquiet que ça. J'ai un peu l'impression qu'il a accepté que là, c'est la fin. Possible aussi, oui. Je sais pas. Quitte à mourir, autant tout. C'est un personnage qui n'a pas beaucoup de profondeur, Mordred, faut le dire. Non, il est méchant, quoi. Il a ce côté, je veux être le roi, je suis le fils légitime d'Arthur, je dois être le roi. Mais à part ça. Mais c'est tout. Ça conclut donc le film avec Arthur qui dit à Perceval de trouver une étendue d'eau calme, de lancer Excalibur dedans. Puis Perceval, justement, ne veut pas qu'elle soit perdue. Et Arthur le rassure qu'un jour, un roi viendra. Donc ça reprend le thème messianique que Arthur ou un autre roi reviendra quand il sera digne d'Excalibur et qu'elle ressurgira. Perceval le fait, une main sort. Alors d'abord, il ment et il dit qu'il l'a fait. Mais il reprend les rôles de Girflet ou de Bedivere selon les textes et refusant d'abord de jeter l'épée trois fois normalement dans les textes. Puis finalement, il le fait. Il y a une main qui attrape. L'effet est pas terrible de l'épée qui tourne et qui arrive sur la main. Toi, tu lances souvent une épée en la tenant par la lame, quoi. Par la lame. Tu lances que c'est. À plusieurs reprises, les personnages tiennent les épées par la pointe, mais c'est ce que Guenièvre aussi fait avec Lancelot quand elle vient le retrouver dans la forêt. T'as l'impression que la pointe des épées est pas du tout. Oui, mais elle dit vas-y, tue-moi si tu veux pas être moi. Ouais, mais ça devrait quand même lui couper les mains, quoi, cette jeune femme. Non. Non, ah bon. Non, c'est. Oh. Bon, tu l'as. C'est une épée. Hein. Juste vraiment à plat pour. Alors, c'est notre tuto pour tenir des épées. Par la main. Toujours est-il que au moment où l'épée est brandie par la main de la dame du lac qui redescend et Lancelot va pour retrouver Arthur. Perceval. Pardon. Perceval. Oui, Perceval. Mais toujours. Perceval va pour retrouver Arthur. Qui a disparu et il retourne vers l'étendue d'eau et il voit un bateau où 3 dames emportent le corps d'Arthur vers le lointain, vers l'ouest, et le film se finit sur les accents émus de la Trauermarsch du Götter Dämmerung de Wagner. Il y a des belles scènes, L'esthétique est très sympa. Je dirais quand même que dans la fin, justement, quand Merlin revient, il y a Arthur qui est justement un cercle de pierres, un cercle de dolmen, et il tape sur les pierres et il dit Merlin, où es-tu mon ami? Et cette scène, je pense, résume vraiment beaucoup le film, c'est-à-dire que vous avez Arthur qui tape sur les pierres et on entend que ça résonne dans la cave où Merlin est emprisonné, puis ensuite Arthur s'endort et rêve de Merlin, puis il dit Merlin, où es-tu? Puis il dit je suis là où tu es, dans la terre des rêves, n'es-tu qu'un rêve? un rêve. Pour Didier, justement, ton amour m'a ramené. C'est assez beau comme il fait. Voilà, ton amour m'a ramené. N'es-tu qu'un rêve, Merlin? Un rêve pour certains. Un cauchemar pour d'autres. Et il attend des bras. Et là, il va. Ils disparaissent. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment. Ok, Nicole, tu peux sortir du cadre. On retourne. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a rien. Il est là. Il n'est plus là. Et c'est là qu'il va aller en fait battre Morgane dans leur combat, leur duel de magicien en fait. C'est ça qui, à mon avis, résume vraiment tout le film. Donc des phrases assez belles, des images mémorables. Arthur aussi, quand et puis des effets spéciaux. Alors ouais, moi je trouve la VF de Pierre Arditi qui fait Arthur, elle est assez incroyable parce qu'il y va à fond les ballons. Il y va vraiment à fond la caisse. Il joue le truc, hein. J'avais noté un truc, c'est « Je ne suis pas né pour vivre une vie d'homme, mais pour être le tissu de la mémoire du futur ». Oui, il y a cet aspect vraiment où il surjoue certains aspects même en anglais. Hein, Je crois que la VF, ils ont fait quand même un effort d'écriture parce qu'il y a certaines phrases de Merlin où, par exemple, ils ont fait en sorte que ça rimait un petit peu. Ouais. Puis du coup, les phrases de Merlin ont quand même cette solennité, cette poésie. Ils étaient sentencieux. Les VF des années 80, enfin, on avait du pognon et de l'argent. Ça sent, c'est très bien doublé en fait. Je trouve qu'ils sont très fidèles au film. Après, le film est cheesy et très théâtral et shakespearien, mais ils sont fidèles à ça. C'est une très bonne adaptation en français. Mais cette dernière réplique d'Arthur avec Guenièvre qui lui dit qu'il repart combattre parce que il faut bien pour défendre le rêve de ce qui a été et de ce qui pourrait de nouveau être un jour. Là, on est justement sur ce Rex Quondam, Rex Quae Futuro, c'est un roi qui a été. Exactement. Et c'est pour ça que le film est très efficace, comme on le disait, et qu'il est resté si mémorable. C'est qu'il est probablement une des meilleures adaptations des thèmes de la matière de Bretagne. Il concentre le plus de choses tout en étant cohérent et en les faisant se répondre les unes aux autres. Oui. Que ce soit l'unité d'Arthur et de la Terre et d'Excalibur, le roi qui reviendra, la mystique de Merlin à travers les âges. Il y a ces grands thèmes qui sont très bien traités et qui sont cohérents, qui sont pas justement là juste pour apparaître en fait, comme ils peuvent parfois l'être dans typiquement King Arthur Legend, Excalibur Legend of the Sword, le dernier film de Guy Ritchie effectivement, où c'est juste on a une table ronde parce qu'il faut bien avoir la table ronde, c'est le roi Arthur. Mais après il y a aussi le problème, c'est que le film de Guy Ritchie voulait en faire 6 à l'origine, c'était et tu sens qu'au bout d'un moment il a essayé de tout contracter. Mais c'était l'époque où on cherchait des franchises pour remplacer Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Harry Potter, comme si Charlie Hunnam avait les épaules pour tenir 6 films comme ça. C'est pas Aragorn le mec. C'est clair. Et puis, et c'est pareil aussi avec le King Arthur d'Antoine Fuqua dans 2004, qui avait aussi, qui lui mettait tout son pognon dans on est réaliste, c'est la vraie histoire du roi Arthur. Historique. La mode à l'époque, comme la mode aussi avec The Last Legion aussi, qui avait cette espèce fondement historique de la joie arthurienne. On est sur le fondement historique et sur le réalisme, mais par contre sur l'affiche, on va augmenter la poitrine de Guenièvre quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Les thèmes ne sont pas du tout explorés en fait. C'est ça le principal problème de ces versions. Alors que l'Excalibur de Morman, s'il est resté si mémorable, c'est parce qu'il explore ces thèmes, et qu'il y va à fond. Ce qui est mémorable, il les traite. C'est aussi le problème de Fuqua, c'est qu'il a des sites sarmates de la légende romaine, je vais vous expliquer tout, je vais vous montrer les vraies racines, puis à le côté, c'est historique, un peu dans la vague de Da Vinci Code, où tout le monde croyait en fait, c'est pas légalement interdit de dire que c'est la vraie histoire, donc on y va. Mais le gros problème, c'est que expliquer un film qui t'explique pendant 1h30 qu'il est tellement plus intelligent que toi, c'est pas une super bonne histoire. Tu pars mal avec le spectateur, Non, c'est ça, il y a aussi là pour le coup, quand t'es dans Excalibur, on te prend pas pour un con en fait. Non, certains films de l'époque, ça peut être le cas, on te dit on va te faire croire ça. Non, là c'est du grand spectacle, c'est très théâtral. Non, on raconte une histoire. Franchement, je serais pas surpris, ça doit pouvoir s'adapter assez bien au théâtre en fait. Aussi. Certains effets doivent pouvoir rendre moins bien, mais aujourd'hui avec la technologie, du brouillard, ça passe. Tu peux rendre ça tout à fait très bien. Je pense que ça parle à l'efficacité de l'histoire. C'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure exploitation du médium qui a été faite, mais elle est. C'est ça le problème de ce film, c'est que c'est le meilleur film arthurien de tous les temps, mais c'est difficile de faire le film le plus arthurien. C'est le film le plus arthurien. Le meilleur. Ça après. Et c'est plus arthurien, le film le plus arthurien de tous les temps, le film le plus efficace. C'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. On a un peu dépassé notre horaire, mais on vous remercie. Quelle surprise. 15 minutes là pour nous. Ça va. Merci. 15 minutes. C'est un quart d'heure. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale de Rex qu'on a Rex Quae Futuro. Le mois prochain, on retrouvera notre planning normal avec une émission consacrée à une variation occitane de la matière de Bretagne ce coup-ci. Qui fera 4 heures de Geoffrey. On revient au 12e, 13e siècle pour le coup. Rex Quondam, Rex Quae Futuro, c'est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. On aimerait remercier tout particulièrement Eddy à la réalisation, Pierre à la logistique et à l'accompagnement. Merci beaucoup. Yann à l'organisation du week-end. Ah oui, Pierre, applaudissements pour Pierre aussi. Voilà. Yann à l'organisation du week-end, à l'école multimédia qui nous permet de diffuser cette émission depuis ses locaux, et puis surtout à vous, chers auditeurs, qui donnez au Patreon de Radio Kawa et nous permettez de continuer à produire nos week-ends d'émissions en public. Et d'ailleurs, merci au public d'être venu nous voir un dimanche matin. Et puis on aimerait remercier, bien sûr, malgré la pluie, nos chers invités. Merci Bob. Mais c'est avec plaisir. Merci Zali. Ah mais c'était merveilleux. Quand c'est votre prochain épisode de l'appel de Cthulhu? Il faut vite qu'on l'enregistre parce que c'est bientôt. Je crois que c'est demain. On l'enregistre demain. Diffusé dans 2 semaines, vers le 20 février, je crois. Et le thème sera Alice au pays des merveilles. Ouais. D'accord. On vous retrouvera. On serait juste de retrouver ça. Et puis merci Justine. Quelle actualité tu as autrement? Là, en ce moment, on tourne beaucoup pour la présentation du livre Kaamelott, un livre d'histoire. Parce qu'on en a pas du tout parlé, mais tu as co-dirigé l'ouvrage Kaamelott, un livre d'histoire. On a déjà parlé dans cette émission ici, mais voilà. Mais donc, on parle pas mal de ça, et puis d'autres projets sur d'autres grandes œuvres médiévales ou médiévalisantes. Donc, et ben, on se réjouit de lire ça. Au revoir à tous, et surtout n'oubliez pas, la quête continue.